Dans quelques instants, sur France Culture La Nuit, une émission exceptionnelle, produite par Michel Foucault, le philosophe, dans la série La Liberté Coupable, en 1964, Michel Foucault a donné Rousseau, juge de Jean-Jacques. Première partie cette nuit, cette archive sera suivie d'une émission d'Hubert Juin dans la Tribune des Critiques en 1967, Max Jacob, l'homme de cristal. À 2h37, le rendez-vous d'Avoix Nue avec le dessinateur Cabu, un observateur engagé. Cabu s'entretient avec Patrice Tourne, quatrième entretien, rencontre, jazz et chanson. À 4h02, Science et conscience par Philippe Petit. Et à 5h, suite sur le désert, dans Sur les docks, en trois volets, après les chants du désert et les trésors du désert, voici L'ultime désert par Michel Pomarède et François Test, le parcours de Michel Vieuxchange, mort à 26 ans, après avoir rejoint la cité de Smara, dans le sud marocain, parcours terrestre, itinéraire spirituel. France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Grandes archives radiophoniques, La Liberté Coupable, Rousseau, juge de Jean-Jacques, par Michel Foucault, producteur. En guise d'introduction, rappelons que Michel Foucault, le philosophe, a publié L'histoire de la folie à l'âge classique en 1961. Qu'en 1964, date de ses émissions, il publiait La folie comme absence d'œuvre sur Antonin Artaud. Il prenait alors des écrivains comme des témoins essentiels du grand geste oublié de la culture, le partage folie-raison, dont le XVIIIe siècle instaura la coupure. Dans la première émission, Rousseau, juge de Jean-Jacques, Michel Foucault donne sa définition de la persécution. Il énonce les différentes sortes de persécutions subies par Jean-Jacques Rousseau. Il nous dit en quoi le langage peut être ressenti par lui comme une persécution. La RTF présente La Liberté Coupable. La Liberté Coupable, sixième série. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Texte choisi et présenté par Michel Foucault. Aujourd'hui, première émission, L'entreprise avec Michel Vitold. Le silence profond, universel, non moins concevable que le mystère qu'il couvre, mystère que depuis 15 ans me cache avec soin que je m'abstiens de qualifier, et avec un succès qui tient du prodige, ce silence effrayant et terrible ne m'a pas laissé saisir la moindre idée qui pût m'éclairer sur ces étranges dispositions. Livré pour toute lumière à mes conjectures, je n'en ai su former aucune qui pût expliquer ce qui m'arrive, de manière à pouvoir croire avoir démêlé la vérité. Quand de forts indices m'ont fait penser, quelquefois, avoir découvert avec le fond de l'intrigue son objet et ses auteurs, les absurdités sans nombre que j'ai vues naître de ces suppositions m'ont bientôt contraint de les abandonner, et toutes celles que mon imagination s'est tourmentée à leur substituer n'ont pas mieux soutenu le moindre examen. La persécution, c'est un peu comme l'amour. Elle n'a pas besoin de réciprocité pour être véritable. On s'est beaucoup interrogé, on a fouillé des tas de documents pour savoir si Rousseau a été persécuté. Persécuté, je veux dire, par de vrais persécuteurs. Et sans doute, sans aucun doute, il le fut. Il y a eu la brouille avec Hume, il y avait l'hostilité de Choiseul, des encyclopédistes. D'Holbach faisait enquêter chez les banquiers pour savoir si Rousseau cachait de l'argent, et Voltaire se renseignait auprès des mouchards des ambassades sur ses activités à l'étranger. Mais la persécution ne consiste pas à avoir des persécuteurs. Je crois qu'elle consiste plutôt à être persécuté. Expérience irréductible et autonome, en ce sens qu'elle se passe au fond fort bien des autres. On n'a pas besoin des autres au fond pour être persécuté. Bien sûr, autrui prend un visage grimaçant. Les autres sont tout proches, sans distance, imminents. Ils sont en surplomb au-dessus de leurs victimes. Et pourtant, dans l'expérience de la persécution, ce n'est pas cela qui est l'essentiel. Être persécuté, c'est avoir un certain rapport au langage. C'est ne pas pouvoir user de la première personne, ne pas pouvoir dire « je », sans éprouver ce « je » comme ouvert, comme fracturé par les autres, par eux, par tous ces « ils » qui m'entourent. Être persécuté, c'est ne pas pouvoir parler sans que cette parole échappe à celui qui parle, glisse hors de sa maîtrise et, pivotant sur elle-même, se retourne contre lui, prononcée maintenant par un autre, par les autres. Être persécuté, c'est parler dans un monde absolument silencieux où personne ne répond, mais inversement, dès qu'on cesse de parler et qu'on tend un peu l'oreille, on entend ses propres paroles refluer vers soi, confisquées par les autres, métamorphosées, devenues hostiles et meurtrières. Le persécuté, il entend le silence du monde, mais tout bruissant de mots qui sont l'envers de son propre langage. Peut-être, en ce sens, toutes les entreprises pour faire parler le monde, que ça s'appelle le savoir ou la littérature, ont une profonde parenté avec la paranoïa. Est-ce qu'après tout, on aurait l'étrange idée de prêter son langage aux choses et aux hommes si on n'était pas obscurément persécuté? En 1771, dans un cercle de familiers, Rousseau venait de donner lecture des confessions qu'il venait juste d'achever. À ce langage en première personne, à ce langage entièrement en première personne et qui se croyait si transparent, personne n'a répondu. Aucun écho, rien. Ce que Rousseau a proclamé va être étouffé dans le silence et demeurer peut-être le langage unique d'un homme absolument seul. Alors, voilà. Voilà que ce langage, resté sur place, dans la gorge de son auteur, revient vers lui, étrangement altéré. Rousseau entend des voix qui lui disent qu'il a menti. Il entend dire que son innocence n'est que déguisement. Il entend dire qu'il n'est même pas l'auteur de ses propres livres. Un complot est né qui veut l'empêcher de se faire entendre et retourne contre lui tout ce qu'il a pu dire. Ainsi naît chez Rousseau le projet inverse d'accueillir dans son œuvre ce langage étranger et hostile et de le retourner une nouvelle fois pour qu'il redevienne enfin le langage pur, évident, transparent de l'innocence. Cependant, pour ne pas combattre une chimère, pour ne pas outrager toute une génération, il fallait bien supposer des raisons dans le parti approuvé et suivi par tout le monde. Je n'ai rien épargné pour en chercher, pour en imaginer de propre à séduire la multitude. Et si je n'ai rien trouvé qui dût avoir produit cet effet, le ciel m'est témoin que ce n'est faute ni de volonté ni d'effort, et que j'ai rassemblé soigneusement toutes les idées que mon entendement m'a pu fournir pour cela. Tous mes soins n'aboutissant à rien qui peut me satisfaire, j'ai pris le seul parti qui me restait à prendre pour m'expliquer. C'était, ne pouvant raisonner sur des motifs particuliers qui m'étaient inconnus et incompréhensibles, de raisonner sur une hypothèse générale qui pût tous les rassembler. C'était, entre toutes les suppositions possibles, de choisir la pire pour moi, la meilleure pour mes adversaires, et dans cette position, ajuster autant qu'il m'était possible aux manœuvres dont je me suis vu l'objet, aux allures que j'ai entrevues, aux propos mystérieux que j'ai pu saisir ça et là, d'examiner quelle conduite de leur part eût été la plus raisonnable et la plus juste. Épuiser tout ce qui se pouvait dire en leur faveur était le seul moyen que j'eusse de trouver ce qu'ils disent en effet. Et c'est ce que j'ai tâché de faire, en mettant de leur côté tout ce que j'y ai pu mettre de motifs plausibles et d'arguments spécieux, et cumulant contre moi toutes les charges imaginables. Malgré tout cela, j'ai souvent rougi, je l'avoue, des raisons que j'étais forcé de leur prêter. Si j'en avais trouvé de meilleures, je les aurais employées de tout mon cœur et de toute ma force, et cela avec d'autant moins de peine qu'il me paraît certain qu'aucune n'aurait tenu contre mes réponses, parce que celles-ci dérivent immédiatement des premiers principes de la justice, des premiers éléments du bon sens, et qu'elles sont applicables à tous les cas possibles d'une situation pareille à celle où je suis. La forme du dialogue m'ayant paru la plus propre à discuter le pour et le contre, je l'ai choisi pour cette raison. Tels sont en effet ces dialogues. Œuvre de folie, imparfaite et confuse, dit-on. Œuvre que je dirais plutôt réussie, puisque finalement, elle a reconduit Rousseau de cette proclamation étouffée des confessions au chant enfin serein des rêveries. Mais entre les confessions qui disaient « je dis la vérité » et les rêveries qui proclament « me voici donc seul », il a fallu ce moment de dispersion pour retrouver le langage perdu. De là ces dialogues où ni les persécuteurs ni la victime n'apparaissent en personne. On ne voit au fond que des intermédiaires. D'un côté, le français, naïf, borné, assez méchant, mais pas trop tout de même. Et puis Rousseau qui, justement, n'est pas Jean-Jacques, mais un Rousseau qui lui est extérieur, qui a son autorité, son austérité, sa rigueur, son innocence. Un Rousseau qui a presque le langage de Jean-Jacques et qui, précisément, va servir à lui rendre son propre langage et va lui permettre de redire à nouveau tout sereinement « je » dans les rêveries. Mais ce langage, ou plutôt cette entreprise pour récupérer son propre langage à partir de celui des autres, pour le faire entendre, il fallait bien qu'il y eût un confident. Et à qui pouvait-il s'adresser ce langage alors que le monde entier refusait de l'entendre et s'ingéniait à le confisquer ? Trompé dans tous mes choix et ne trouvant plus que perfidie et fausseté parmi les hommes, mon âme exaltée par le sentiment de son innocence et par celui de leur iniquité s'éleva par un élan jusqu'au siège de tout ordre et de toute vérité pour y chercher les ressources que je n'avais plus ici-bas. Ne pouvant plus me confier à aucun homme qui ne me trahît, je résolus de me confier uniquement à la Providence et de remettre à elle seule l'entière disposition du dépôt que je désirais laisser en de sûres mains. J'imaginais pour cela de faire une copie honnête de cet écrit et de la déposer dans une église sur un autel. Et pour rendre cette démarche aussi solennelle qu'il était possible, je choisis le grand autel de l'église de Notre-Dame, jugeant que partout ailleurs, mon dépôt serait plus aisément caché et détourné par les curés ou les moines et tomberait infailliblement dans les mains de mes ennemis. Au lieu qu'il pouvait arriver que le bruit de cette action fît parvenir mon manuscrit jusque sous les yeux du roi, ce qui était tout ce que j'avais à désirer de plus favorable et qui ne pouvait jamais arriver en m'y prenant de toute autre façon. Tandis que je travaillais à transcrire au net mon écrit, je méditais sur les moyens d'exécuter mon projet, ce qui n'était pas fort facile, et surtout pour un homme aussi timide que moi. Je pensais qu'un samedi, jour auquel toutes les semaines on va chanter devant l'autel de Notre-Dame, un motet durant lequel le cœur reste vide, serait le jour où j'aurais le plus de facilité d'y entrer, d'arriver jusqu'à l'autel et d'y placer mon dépôt. Pour combiner plus sûrement ma démarche, j'allais plusieurs fois, de loin en loin, examiner l'état des choses et la disposition du cœur et de ses avenues. car ce que j'avais à redouter était d'être retenu au passage, sûr que dès lors mon projet était manqué. Enfin, mon manuscrit étant prêt, je l'enveloppai et j'y mis la suscription suivante. Dépôt remis à la Providence. Protecteur des opprimés, Dieu de justice et de vérité, reçois ce dépôt que remets sur ton autel et confie à ta Providence un étranger infortuné, seul, sans appui, sans défenseur sur la terre, outragé, moqué, diffamé, trahi de toute une génération, chargé depuis 15 ans à l'envi de traitements pires que la mort et d'indignité inouïe jusqu'ici parmi les humains, sans avoir pu jamais en apprendre au moins la cause. Au verso du titre et avant la première page était écrit ce qui suit. Qui que vous soyez que le ciel a fait l'arbitre de cet écrit, quelque usage que vous ayez résolu d'en faire et quelque opinion que vous ayez de l'auteur, cet auteur infortuné vous conjure par vos entrailles humaines et par les angoisses qu'il a souffertes en l'écrivant de n'en disposer qu'après l'avoir lu tout entier. Songez que cette grâce que vous demande un cœur brisé de douleur est un devoir d'équité que le ciel vous impose. Tout cela fait, je pris sur moi mon paquet et je me rendis le samedi 24 février 1776 sur les 2 heures à Notre-Dame dans l'intention d'y présenter le même jour mon offrande. Je voulus entrer par une des portes latérales par laquelle je comptais pénétrer dans le chœur. Surpris de la trouver fermée, j'allai passer plus bas par l'autre porte latérale qui donne dans la nef. En entrant, mes yeux furent frappés d'une grille que je n'avais jamais remarquée et qui séparait de la nef la partie des bas-côtés qui entoure le chœur. Les portes de cette grille étaient fermées, de sorte que cette partie des bas-côtés dont je viens de parler était vide et qu'il m'était impossible d'y pénétrer. Au moment où j'aperçus cette grille, je fus saisi d'un vertige comme un homme qui tombe en apoplexie. Et ce vertige fut suivi d'un bouleversement dans tout mon être tel que je ne me souviens pas d'en avoir éprouvé jamais un pareil. L'église me parut avoir tellement changé de face que, doutant si j'étais bien dans Notre-Dame, je cherchais avec effort à me reconnaître et à mieux discerner ce que je voyais. Depuis 36 ans que je suis à Paris, j'étais venu fort souvent et en divertant à Notre-Dame. J'avais toujours vu le passage autour du chœur ouvert et libre, et je n'y avais même jamais remarqué ni grille, ni porte, autant qu'il pût m'en souvenir. D'autant plus frappé de cet obstacle imprévu que je n'avais dit mon projet à personne, je crus dans mon premier transport voir concourir le ciel même à l'œuvre d'iniquité des hommes. Et le murmure d'indignation qui m'échappa ne peut être conçu que par celui qui saurait se mettre à ma place, ni excusé que par celui qui sait lire au fond des cœurs. Je sortis rapidement de cette église, résolu de n'y rentrer de mes jours, et me livrant à toute mon agitation, je courus tout le reste du jour, errant de toutes parts, sans savoir ni où j'étais, ni où j'allais, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, la lassitude et la nuit me forcèrent de rentrer chez moi, rendu de fatigue, et presque hébété de douleur. Mon espérance était donc vaine, toutes mes mesures étaient fausses, tous mes soins étaient inutiles, et je devais être sûr que l'usage le moins criminel que ferait de mon dépôt ceux à qui j'allais ainsi confiant serait de l'anéantir. Cette idée me suggéra une nouvelle tentative dont j'attendis plus d'effet. Ce fut d'écrire une espèce de billet circulaire adressé à la nation française, d'en faire plusieurs copies et de les distribuer aux promenades et dans les rues aux inconnus dont la physionomie me plairait le plus. Je ne manquais pas d'argumenter à ma manière ordinaire en faveur de cette nouvelle résolution. On ne me laisse de communication, me disais-je, qu'avec des gens apostés par mes persécuteurs. Me confier à quelqu'un qui m'approche n'est autre chose que me confier à eux. Du moins, parmi les inconnus, il s'en peut trouver qu'ils soient de bonne foi, Mais quiconque vient chez moi n'y vient qu'à mauvaise intention. Je dois être sûr de cela. Voici l'essentiel de ce billet que Rousseau voulait, dans la rue, distribuer au public. À tout Français aimant encore la justice et la vérité. Français, nation jadis aimable et douce, qu'êtes-vous devenu? Que vous êtes changé pour un étranger infortuné, seul, à votre merci, sans appui, sans défenseur, mais qui n'en aurait pas besoin chez un peuple juste. Pour un homme sans phare et sans fiel, ennemi de l'injustice, mais patient à l'endurer, qui jamais n'a fait, ni voulu, ni rendu de mal à personne, et qui depuis 15 ans, plongé, traîné par vous, dans la fange de l'opprobre et de la diffamation, se voit, se sent chargé à l'envi d'indignités inouïes jusqu'ici parmi les humains, sans avoir pu jamais en apprendre au moins la cause. C'est donc là votre franchise, votre douceur, votre hospitalité. Quittez ce vieux nom de franc. Il doit trop vous faire rougir. Le persécuteur de Job aurait pu beaucoup apprendre de ceux qui vous guident dans l'art de rendre un mortel malheureux. Ils vous ont persuadé, je n'en doute pas, ils vous ont prouvé même, comme cela est toujours facile en se cachant de l'accusé, que je méritais ces traitements indignes, pire 100 fois que la mort. En ce cas, je dois me résigner, car je n'attends ni ne veux d'eux ni de vous aucune grâce. Mais ce que je veux, et qui m'est dû tout au moins après une condamnation si cruelle et si infamante, c'est qu'on m'apprenne enfin quels sont mes crimes et comment et par qui j'ai été jugé. Pourquoi faut-il qu'un scandale aussi public soit pour moi seul un mystère impénétrable? À quoi bon tant de machines, de ruses, de trahisons, de mensonges pour cacher au coupable ses crimes, qu'il doit savoir mieux que personne s'il est vrai qu'il les ait commis? Que si pour des raisons qui me passent, persistant à m'ôter un droit dont on n'a privé jamais aucun criminel, vous avez résolu d'abreuver le reste de mes tristes jours d'angoisse, de dérision, d'opprobre, sans vouloir que je sache pourquoi, sans daigner écouter mes griefs, mes raisons, mes plaintes, sans me permettre même de parler, j'élèverai au ciel pour toute défense un cœur sans fraude et des mains pures de tout mal, lui demandant, non peuple cruel, qu'il me venge et vous punisse, oh, qu'il éloigne de vous tout malheur et toute erreur, mais qu'il ouvre bientôt à ma vieillesse un meilleur asile où vos outrages ne m'atteignent plus. Rousseau rédigea donc ce petit texte en forme de billet et il eut la patience d'en recopier de sa main un grand nombre d'exemplaires. Mais pour en faire la distribution, j'ai prouvé un obstacle que je n'avais pas prévu dans le refus de le recevoir par ceux à qui je le présentais. La suscription était « À tout Français aimant encore la justice et la vérité ». Je n'imaginais pas que sur cette adresse, aucun l'osa refuser. Presque aucun ne l'accepta. Tous, après avoir lu l'adresse, me déclarèrent avec une ingénuité qui me fait rire au milieu de ma douleur qu'ils ne s'adressaient pas à eux. « Vous avez raison, leur disais-je en le reprenant. Je vois bien que je m'étais trompé. Voilà la seule parole franche que depuis 15 ans, j'ai obtenue d'aucune bouche française. » Et conduit aussi par ce côté, je ne me rebutais pas encore. J'envoyais des copies de ce billet en réponse à quelques lettres d'inconnus qui voulaient à toute force venir chez moi, et je crus faire merveille en mettant au prix d'une réponse décisive à ce même billet l'acquiescement à leur fantaisie. J'en remis 2 ou 3 autres personnes qui m'accostaient ou qui me venaient voir. Mais tout cela ne produisit que des réponses amphigouriques et normandes qui m'attestaient dans leurs auteurs une fausseté à toute épreuve. J'ai donc pris enfin mon parti tout à fait. Détaché de tout ce qui tient à la terre et des insensés jugements des hommes, je me résigne à être à jamais défiguré parmi eux sans en moins compter sur le prix de mon innocence et de ma souffrance. Ma félicité doit être d'un autre ordre. Ce n'est plus chez eux que je dois la chercher, et il n'est pas plus en leur pouvoir de l'empêcher que de la connaître. Destiné à être dans cette vie la proie de l'erreur et du mensonge, j'attends l'heure de ma délivrance et le triomphe de la vérité sans les plus chercher parmi les mortels. détaché de toute affection terrestre et délivré même de l'inquiétude de l'espérance ici-bas, je ne vois plus de prise par laquelle il puisse encore troubler le repos de mon cœur. Je ne réprimerai jamais le premier mouvement d'indignation, d'emportement, de colère, et même je n'y tâche plus. Mais le calme qui succède à cette agitation passagère est un état permanent dont rien ne peut plus me tirer. L'espérance éteinte étouffe bien le désir, mais elle n'anéantit pas le devoir. Et je veux jusqu'à la fin remplir le mien dans ma conduite avec les hommes. Je suis dispensé désormais de vains efforts pour leur faire connaître la vérité qu'ils sont déterminés à rejeter toujours. Mais je ne le suis pas de leur laisser les moyens d'y revenir autant qu'il dépend de moi. Et c'est le dernier usage qui me reste à faire de cet écrit. En multiplier incessamment les copies pour les déposer ainsi, ça et là, dans les mains des gens qui m'approchent, serait excéder inutilement mes forces, et je ne puis raisonnablement espérer que de toutes ces copies ainsi dispersées, une seule parvint entière à sa destination. Je vais donc me borner à une dont j'offrirai la lecture à ceux de ma connaissance que je croirai les moins injustes, les moins prévenus, ou qui, quoique liés avec mes persécuteurs, me paraîtront avoir néanmoins encore du ressort dans l'âme et pouvoir être quelque chose par eux-mêmes. Tous, je n'en doute pas, resteront sourds à mes raisons, insensibles à ma destinée, aussi cachés et faux qu'auparavant. C'est un parti pris universellement et sans retour, surtout par ceux qui m'approchent. Je sais tout cela d'avance, et je ne m'en tiens pas moins à cette dernière résolution parce qu'elle est le seul moyen qui reste en mon pouvoir de concourir à l'œuvre de la Providence et d'y mettre la possibilité qui dépend de moi. Nul ne m'écoutera. L'expérience m'en avertit. Mais il n'est pas impossible qu'il s'en trouve un qui m'écoute. Et il est désormais impossible que les yeux des hommes s'ouvrent d'eux-mêmes à la vérité. C'en est assez pour m'imposer l'obligation de la tentative sans en espérer aucun succès. Si je me contente de laisser cet écrit après moi, cette proie n'échappera pas aux mains de rapines qui n'attendent que ma dernière heure pour tout saisir et brûler ou falsifier. Mais si parmi ceux qui m'auront lu, il se trouvait un seul cœur d'homme ou seulement un esprit vraiment sensé, mes persécuteurs auraient perdu leur peine et bientôt la vérité percerait aux yeux du public. La certitude, si ce bonheur inespéré m'arrive, de ne pouvoir m'y tromper un moment, m'encourage à ce nouvel essai. Je sais d'avance quel ton tous prendront après m'avoir lu. Ce ton sera le même qu'auparavant, ingénu, patelin, bénévole. Ils me plaindront beaucoup de voir si noir ce qui est si blanc, car ils ont tous la candeur des signes. Mais ils ne comprendront rien à tout ce que j'ai dit là. Ceux-là, jugés à l'instant, ne me surprendront point du tout et me fâcheront très peu. Mais si, contre toute attente, il s'en trouve un que mes raisons frappent et qui commence à soupçonner la vérité, je ne resterai pas un moment en doute sur cet effet. Et j'ai le signe assuré pour le distinguer des autres quand même il ne voudrait pas s'ouvrir à moi. C'est de celui-là que je ferai mon dépositaire sans même examiner si je dois compter sur sa probité, car je n'ai besoin que de son jugement pour l'intéresser à m'être fidèle. Il sentira qu'en supprimant mon dépôt, il n'en tire aucun avantage, qu'en le livrant à mes ennemis, il ne leur livre que ce qu'ils ont déjà, qu'il ne peut par conséquent donner un grand prix à cette trahison, ni éviter tôt ou tard, par elle, le juste reproche d'avoir fait une vilaine action. Au lieu qu'en gardant mon dépôt, il reste toujours le maître de le supprimer quand il voudra. Et peut un jour, si des révolutions assez naturelles changent les dispositions du public, se faire un honneur infini et tirer de ce même dépôt un grand avantage dont il se prive en le sacrifiant. S'il sait prévoir et s'il peut attendre, il doit en raisonnant bien m'être fidèle. Je dis plus, quand même le public persisterait dans les mêmes dispositions ou biais à mon égard, encore un mouvement très naturel le portera-t-il tôt ou tard à désirer de savoir au moins ce que Jean-Jacques aurait pu dire si on lui eût laissé la liberté de parler. Que mon dépositaire se montrant leur dise, alors, « Vous voulez donc savoir ce qu'il aurait dit ?»« Eh bien, le voilà. » Sans prendre mon parti, sans vouloir défendre ma cause ni ma mémoire, il peut, en se faisant mon simple rapporteur et restant au surplus, s'il peut, dans l'opinion de tout le monde, jeter cependant un nouveau jour sur le caractère de l'homme jugé. Car c'est toujours un trait de plus à son portrait de savoir comment un pareil homme osa parler de lui-même. Si parmi mes lecteurs, je trouve cet homme sensé, disposé pour son propre avantage, un maître fidèle, je suis déterminé à lui remettre non seulement cet écrit, mais aussi mes confessions et tous les papiers qui restent entre mes mains et desquels on peut tirer un jour de grandes lumières sur ma destinée, puisqu'ils contiennent des anecdotes, des explications et des faits que nul autre que moi ne peut donner et qui sont les seules clés de beaucoup d'énigmes qui, sans cela, resteront à jamais inexplicables. Si cet homme ne se trouve point, il est possible au moins que la mémoire de cette lecture restée dans l'esprit de ceux qui l'auront faite réveille un jour en quelqu'un d'eux quelques sentiments de justice et de commisération quand, longtemps après ma mort, le délire public commencera de s'affaiblir. Alors ce souvenir peut produire en son âme quelques heureux effets que la passion qui les anime arrête de mon vivant, et ils n'en font pas davantage pour commencer l'œuvre de la Providence. Je profiterai donc des occasions de faire connaître cet écrit, si je les trouve sans en attendre aucun succès. Si je trouve un dépositaire que j'en puisse raisonnablement charger, je le ferai, regardant néanmoins mon dépôt comme perdu et m'en consolant d'avance. Si je n'en trouve point comme je m'y attends, je continuerai de garder ce que je lui aurais remis jusqu'à ce qu'à ma mort, si ce n'est plus tôt, mes persécuteurs s'en saisissent. Ce destin de mes papiers que je vois inévitable ne m'alarme plus. Quoi que fassent les hommes, le ciel à son tour fera son œuvre. J'en ignore le temps, les moyens, l'espèce. Ce que je sais, c'est que l'arbitre suprême est puissant et juste, que mon âme est innocente et que je n'ai pas mérité mon sort. Cela me suffit. Céder désormais à ma destinée, ne plus m'obstiner à lutter contre elle, laisser mes persécuteurs disposer à leur gré de leur proie, rester leur jouet sans aucune résistance durant le reste de mes vieux et tristes jours, leur abandonner même l'honneur de mon nom et ma réputation dans l'avenir, s'il plaît au ciel qu'ils en disposent, sans plus m'affecter de rien quoi qu'il arrive, c'est ma dernière résolution. Que les hommes fassent désormais tout ce qu'ils voudront, après avoir fait moi ce que j'ai dû, ils auront beau tourmenter ma vie, ils ne m'empêcheront pas de mourir en paix. La RTF vient de présenter La liberté coupable. Grandes archives radiophoniques, La liberté coupable, Rousseau juge de Jean-Jacques, par Michel Foucault, philosophe et producteur radiophonique en 1964. Deuxième partie, La machination. Michel Foucault trace le parallèle entre le langage des confessions et celui des dialogues. Discours de Jean-Jacques Rousseau avec son double. RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, sixième série. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Texte choisi et présenté par Michel Foucault. Aujourd'hui, deuxième émission, La machination, avec René Farabin et Michel Vitold. Dans les confessions, Rousseau disait qu'il était innocent. Énonciation simple, qui se faisait ou voulait se faire dans un langage transparent et aussi proche que possible de son origine. Dire ce qu'on est, dire ce qu'on a toujours été, dans des mots qui ne soient rien d'autre que cette existence rendue enfin visible à tous ceux qui veulent bien voir. Les dialogues, eux, ce sont encore des confessions, bien sûr, mais des confessions qui auraient perdu en quelque sorte leurs deux pôles, leurs deux extrêmes nécessaires. Le sujet qui parle, d'un côté, celui qui dit « je », dont l'innocente culpabilité s'accomplit dans la parole, et puis l'auditeur dont le silence accueille attentivement ce qui est dit. Ces deux pôles de la confession, ils ont disparu dans les dialogues. Jean-Jacques Rousseau, l'innocent coupable, n'apparaît jamais. Les autres, les auditeurs, ou les accusateurs, ceux qui imposent la pénitence, ceux-là aussi se sont dérobés. Si bien qu'on a affaire à un étrange dialogue où nul n'accepte de parler, où nul ne veut prêter l'oreille, un dialogue dont les échanges flottent comme des fragments de langage qui n'auraient ni origine ni adresse. Ce sont en quelque sorte des confessions à l'état de turbulence abstraite. Pourtant, il y a, pour soutenir ce langage, des personnages fictifs. L'un, c'est celui qui s'appelle le Français et qui est le symbole, le porte-parole des persécuteurs. Porte-parole est à prendre au sens strict. Le Français n'est pas de ceux qui persécutent réellement Jean-Jacques. Il est seulement ce que disent les persécuteurs. Il est leur double, leur ombre bavarde. Et n'étant rien d'autre que ces paroles persécutrices, n'étant rien d'autre que cette voix venue d'ailleurs, il ne lui importe pas à ce Français de savoir qui est véritablement Jean-Jacques, ni de parler avec lui. Il n'a jamais vu Jean-Jacques, ne lui a jamais adressé la parole, il n'a jamais lu une seule ligne d'un seul de ses ouvrages. Il est à la fois le porte-parole des persécuteurs et en quelque sorte le porte-silence de Rousseau. Quant à l'autre interlocuteur, c'est un double de Jean-Jacques. Non qu'il soit son ami ou un autre lui-même, lui non plus, il n'a jamais vu, il ne connaît pas Jean-Jacques Rousseau. Mais il a lu ses livres, il a lu avec soin tous ses livres. Et il ne sera rien d'autre dans le dialogue qu'une figure née du langage de Rousseau. Il est la parole de Rousseau qui lui serait devenue en quelque sorte étrangère tout en lui demeurant identique. C'est son verbe. C'est pourquoi il porte le nom propre, le nom officiel et extérieur de Jean-Jacques, il s'appelle Rousseau. Et maintenant, le jeu du dialogue peut s'établir. D'un côté, le Français qui n'a rien lu de Jean-Jacques et qu'il présente comme un monstre sur la foi des persécuteurs, des messieurs, comme il dit, reprenant le terme de Pascal et faisant peut-être allusion à ces sociétés secrètes comme celle des jésuites. Et puis, de l'autre, Rousseau qui a lu Jean-Jacques, mais ne l'a jamais vu, et ne peut pas croire qu'un pareil monstre ait pu jamais écrire de si beaux livres. Il en conclut donc que c'est un autre qui est l'auteur des livres, et ainsi, au début du dialogue, Jean-Jacques se trouve dépouillé de son innocence par ses persécuteurs et de ses œuvres par celui-là même qui est innocent. Et à vrai dire, au moment où s'ouvre le dialogue, l'existence de Rousseau est réduite à rien, à zéro, il n'est plus titulaire ni de sa pureté, ni de son langage. Et les autres, les persécuteurs, les messieurs, eux, ils sont tout. Ils lui confisquent les œuvres qu'il a écrites, ils lui en prêtent d'autres qu'il n'a point faites, ils esquivent sa vertu sous des vices supposés, et se targuent de plus d'une merveilleuse bonté, car s'ils ne prouvent pas les crimes de Jean-Jacques, c'est seulement, disent-ils, parce qu'ils ne veulent pas l'accabler et par pure bonté. Nos messieurs ont fait en sorte que, libre en apparence au milieu des hommes, il n'eut avec eux aucune société réelle, qu'il vécut seul dans la foule, qu'il ne sut rien de ce qui se fait, rien de ce qui se dit autour de lui, rien surtout de ce qu'il regarde et l'intéresse le plus, qu'il se sentit partout chargé de chaînes dont il ne put ni montrer ni voir le moindre vestige. Ils ont élevé autour de lui des murs de ténèbres impénétrables à ses regards. Ils l'ont enterré vif parmi les vivants. Voilà peut-être la plus singulière, la plus étonnante entreprise qui jamais ait été faite. Son plein succès atteste la force du génie qu'il a conçu et de ceux qui en ont dirigé l'exécution. Et ce qui n'est pas moins étonnant encore est le zèle avec lequel le public entier s'y prête, sans apercevoir lui-même la grandeur, la beauté du plan dont il est l'aveugle et fidèle exécuteur. Afin de le démasquer plus complètement, on n'a épargné ni soin, ni temps, ni dépenses pour éclairer tous les moments de sa vie depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Tous ceux dont les cajoleries l'ont attiré dans leur piège, tous ceux qui l'ayant connu dans sa jeunesse ont fourni quelques nouveaux faits contre lui, quelques nouveaux traits à sa charge, tous ceux, en un mot, qui ont contribué à le peindre comme on voulait, ont été récompensés de manière ou d'autre, et plusieurs ont été avancés, eux ou leurs proches, pour être entrés de bonne grâce dans toutes les vues de nos messieurs. On a envoyé des gens de confiance, chargés de bonnes instructions et de beaucoup d'argent, à Venise, à Turin, en Savoie, en Suisse, à Genève, partout où il a demeuré. On a largement récompensé tous ceux qui, travaillant avec succès, ont laissé de lui dans ces pays les idées qu'on en voulait donner et en ont rapporté les anecdotes qu'on voulait avoir. Beaucoup même de personnes de tous les états, pour faire de nouvelles découvertes et contribuer à l'œuvre commune, ont entrepris à leurs propres frais et de leurs propres mouvements de grands voyages pour bien constater la scélératesse de Jean-Jacques avec un zèle... Il n'aurait sûrement pas eu dans le cas contraire pour le constater honnête homme. Tant l'aversion pour les méchants a plus de force dans les belles âmes que l'attachement pour les bons. Voilà, comme vous le dites, un projet non moins admirable qu'admirablement exécuté. Il serait bien curieux, bien intéressant de suivre dans leurs détails toutes les manœuvres qu'il a fallu mettre en usage pour en amener le succès à ce point. Comme c'est ici un cas unique depuis que le monde existe, et donner une loi toute nouvelle dans le code du genre humain, il importerait qu'on connût à fond toutes les circonstances qui s'y rapportent. Si, n'écoutant que la justice, on eût voulu traiter le misérable comme il le méritait, il ne fallait que le saisir, le punir, et tout était fait. On se fût épargné des embarras, des soins, des frais immenses, et ce tissu de pièges et d'artifices dont on le tient enveloppé. Mais la générosité de ceux qui l'ont démasqué, leur tendre commisération pour lui ne leur permettant aucun procédé violent, il a bien fallu s'assurer de lui sans attenter à sa liberté et le rendre l'horreur de l'univers afin qu'il n'en fût pas le fléau. Voyez comme quelquefois les extrêmes se touchent. Qui croirait qu'un excès de scélératesse pût ainsi rapprocher de la vertu? Il n'y avait que vos messieurs au monde qui puissent trouver un si bel art. Ce qui rend l'exécution de ce plan plus admirable, c'est le mystère dont il a fallu le couvrir. Il fallait peindre le personnage à tout le monde sans que jamais ce portrait passât sous ses yeux. Il fallait instruire l'univers de ses crimes, mais de telle façon que ce fût un mystère ignoré de lui seul. Il fallait que chacun le montrât au doigt sans qu'il crût être vu de personne. En un mot, c'était un secret dont le public entier devait être dépositaire sans qu'il parvînt jamais à celui qui en était le sujet. Cela eût été difficile, peut-être impossible, à exécuter avec tout autre. Mais les projets fondés sur des principes généraux échouent souvent. En les appropriant tellement à l'individu qu'ils ne conviennent qu'à lui, on en rend l'exécution bien plus sûre. C'est ce qu'on a fait aussi habilement qu'heureusement avec notre homme. On savait qu'étranger et seul, il était sans appui, sans parents, sans assistance, qu'il ne tenait à aucun parti et que son humeur sauvage tendait d'elle-même à l'isoler. On a fait, pour l'isoler tout à fait, que suivre sa pente naturelle, y faire tout concourir, et dès lors tout a été facile. En le séquestrant tout à fait du commerce des hommes qu'il fuit, quel mal lui fait-on? En poussant la bonté jusqu'à lui laisser une liberté du moins apparente, ne fallait-il pas l'empêcher d'en pouvoir abuser? Ne fallait-il pas, en le laissant au milieu des citoyens, s'attacher à le leur bien faire connaître? Peut-on voir un serpent se glisser dans la place publique sans crier à chacun de se garder du serpent? N'était-ce pas surtout une obligation particulière pour les sages qui ont eu l'adresse d'écarter le masque dont ils se couvraient depuis 40 ans et de le voir les premiers à travers ces déguisements tels qu'ils le montrent depuis lors à tout le monde? Ce grand devoir de le faire abhorrer pour l'empêcher de nuire, combiné avec le tendre intérêt qu'il inspire à ces hommes sublimes, est le vrai motif des soins infinis qu'ils prennent, des dépenses immenses qu'ils font pour l'entourer de tant de pièges, pour le livrer à tant de mains, pour l'enlacer de tant de façons qu'au milieu de cette liberté feinte, il ne puisse ni dire un mot, ni faire un pas, ni mouvoir un doigt qu'il ne le sache et ne le veuille. Au fond, tout ce qu'on en fait n'est que pour son bien, pour éviter le mal qu'on serait contraint de lui faire et dont on ne peut le garantir autrement. Il fallait commencer par l'éloigner de ses anciennes connaissances pour avoir le temps de les bien endoctriner. On l'a fait décréter à Paris. Quel mal lui a-t-on fait? Il fallait par la même raison l'empêcher de s'établir à Genève. On l'y a fait décréter aussi. Quel mal lui a-t-on fait? On l'a fait lapider à Motier, mais les cailloux qui cassaient ses fenêtres et ses portes ne l'ont point atteint. Quel mal donc lui ont-ils fait? On l'a fait chasser à l'entrée de l'hiver de l'île solitaire où il s'était réfugié et de toute la Suisse. Mais c'était pour le forcer charitablement d'aller en Angleterre chercher l'asile qu'on lui préparait, à son insu, depuis longtemps, et bien meilleur que celui qu'il s'était obstiné de choisir, quoiqu'il ne pût de là faire aucun mal à personne. Mais quel mal lui a-t-on fait à lui-même et de quoi se plaint-il aujourd'hui? Ne le laisse-t-on pas tranquille dans son opprobre? Il peut se vautrer à son aise dans la fange où on le tient embourbé. On l'accable d'indignité, il est vrai, mais qu'importe? Quelles blessures lui font-elles? N'est-il pas fait pour les souffrir? Et quand chaque passant lui cracherait au visage, quel mal, après tout cela, lui ferait-il? Mais ce monstre d'ingratitude ne sent rien, ne sait gré de rien, et tous les ménagements qu'on a pour lui, loin de le toucher, ne font qu'irriter sa férocité. En prenant le plus grand soin de lui ôter tous ses amis, on ne le leur a rien tant recommandé que d'en garder toujours l'apparence et le titre, et de prendre pour le tromper le même ton qu'ils avaient auparavant pour l'accueillir. C'est sa coupable défiance qui seule le rend misérable. Sans elle, il serait un peu plus dupe, mais il vivrait tout aussi content qu'autrefois. Devenu l'objet de l'horreur publique, il s'est vu par là celui des attentions de tout le monde. C'était à qui le fêterait, à qui l'aurait à dîner, à qui lui offrirait des retraites, à qui renchérirait d'empressement pour obtenir la préférence. On eût dit, à l'ardeur qu'on avait pour l'attirer, que rien n'était plus honorable, plus glorieux que de l'avoir pour hôte, et cela dans tous les états, sans en excepter les grands et les princes. Et mon ours n'était pas content. Jean-Jacques ne sait donc pas qu'il est un scélérat. Le fin du projet est d'en user extérieurement avec lui comme s'il n'en savait rien, ou comme si on l'ignorait soi-même. De cette sorte, on évite avec lui le danger des explications, et feignant de le prendre pour un honnête homme, on l'obsède si bien sous un air d'empressement pour son mérite que rien de ce qui se rapporte à lui, ni lui-même, ne peut échapper à la vigilance de ceux qui l'approchent. Dès qu'il s'établit quelque part, ce qu'on sait toujours d'avance, les murs, les planchers, les serrures, tout est disposé autour de lui pour la fin qu'on se propose, et l'on n'oublie pas de l'envoisiner convenablement, c'est-à-dire de mouches venimeuses, de fourbes adroits et de filles à corte à qui l'on a bien fait leur leçon. C'est une chose assez plaisante de voir les barboteuses de nos messieurs prendre des airs de vierges pour tâcher d'aborder cette ours. Mais ce ne sont pas apparemment des vierges qu'il lui faut, car ni les lettres pathétiques qu'on dicte à celles-là, ni les dolentes histoires qu'on leur fait apprendre, ni tout l'étalage de leurs malheurs et de leurs vertus, ni celui de leurs charmes flétris n'ont pu l'attendrir. Ce pourceau d'Épicure est devenu tout d'un coup un xénocrate pour nos messieurs. N'en fit-il point un pour nos dames? Si ce n'était pas là le plus brillant de ses forfaits, ce serait sûrement le plus irrémissible. Ah, monsieur Rousseau, il faut toujours être galant. Et de quelque façon qu'en use une femme, on ne doit jamais toucher cet article-là. Je n'ai pas besoin de vous dire que toutes ces lettres sont ouvertes, qu'on retient soigneusement toutes celles dont il pourrait tirer quelque instruction, et qu'on lui en fait écrire de toutes les façons par différentes mains, tant pour sonder ses dispositions par ses réponses, que pour lui supposer, dans celle qu'il rebute et qu'on garde, des correspondances dont on puisse un jour tirer parti contre lui. On a trouvé l'art de lui faire de Paris une solitude plus affreuse que les cavernes et les bois, où il ne trouve au milieu des hommes ni communication, ni consolation, ni conseil, ni lumière, ni rien de tout ce qui pourrait lui aider à se conduire. Un labyrinthe immense où l'on ne lui laisse apercevoir dans les ténèbres que de fausses routes qui l'égarent de plus en plus. Nul ne l'aborde qui n'ait déjà sa leçon toute faite sur ce qu'il doit lui dire et sur le ton qu'il doit prendre en lui parlant. On tient note de tous ceux qui demandent à le voir, et on ne le leur permet qu'après avoir reçu à son égard les instructions que j'ai moi-même été chargé de vous donner au premier désir que vous avez marqué de la connaître. S'il entre en quelque lieu public, il y est regardé et traité comme un pestiféré. Tout le monde l'entoure et le fixe, mais en s'écartant de lui et sans lui parler, seulement pour lui servir de barrière. Et s'il ose parler lui-même et qu'on daigne lui répondre, c'est toujours ou par un mensonge, ou en éludant ses questions d'un ton si rude et si méprisant qu'ils perdent l'envie d'en faire. Au parterre, on a grand soin de le recommander à ceux qui l'entourent, et de placer toujours à ses côtés une garde ou un sergent qui parle ainsi fort clairement de lui sans rien dire. On l'a montré, signalé, recommandé partout, aux facteurs, aux commis, aux gardes, aux mouches, aux savoyards, dans tous les spectacles, dans tous les cafés, aux barbiers, aux marchands, aux colporteurs, au libraire, s'il cherchait un livre, un almanach, un roman, il n'y en aurait plus dans tout Paris. Le seul désir manifesté de trouver une chose telle qu'elle soit est pour lui l'infaillible moyen de la faire disparaître. À son arrivée à Paris, il cherchait 12 chansonnettes italiennes qu'il y fit graver il y a une vingtaine d'années et qui étaient de lui comme le devin du village. Mais le recueil, les airs, les planches, tout disparut, tout fut anéanti dès l'instant sans qu'il en ait pu recouvrer jamais un seul exemplaire. On est parvenu, à force de petites attentions multipliées, à le tenir dans cette ville immense, toujours sous les yeux de la populace qui le voit avec horreur. Veut-il passer l'eau vis-à-vis les quatre nations? On ne passera point pour lui, même en payant la voiture entière. Veut-il se faire décrotter? Les décrotteurs, surtout ceux du Temple et du Palais-Royal, lui refuseront avec mépris leur service. Entre-t-il aux Tuileries ou au Luxembourg, ceux qui distribuent des billets imprimés à la porte ont ordre de le passer avec la plus outrageante affectation et même de lui en refuser net s'il se présente pour en avoir. Et tout cela, non pas pour l'importance de la chose, mais pour le faire remarquer, connaître et abhorrer de plus en plus. Une de leurs plus jolies inventions et le parti qu'ils ont su tirer pour leur objet de l'usage annuel de brûler en cérémonie un suisse de paille dans la rue aux ours. Cette fête populaire paraissait si barbare et si ridicule en ce siècle philosophe que, déjà négligée, on allait la supprimer tout à fait si nos messieurs ne se fussent avisés de la renouveler bien précieusement pour Jean-Jacques. À cet effet, ils ont fait donner sa figure et son vêtement à l'homme de paille. Ils lui ont armé la main d'un couteau bien luisant et, en le faisant promener en pompe dans les rues de Paris, ils ont eu soin qu'on le mit en station directement sous les fenêtres de Jean-Jacques, tournant et retournant la figure de tous côtés pour la bien montrer au peuple, à qui cependant de charitables interprètes font faire l'application qu'on désire et l'excite à brûler Jean-Jacques en effigie, en attendant mieux. Enfin, l'un de nos messieurs m'a même assuré avoir eu le sensible plaisir de voir des mendiants lui rejeter au nez son aumône. Et vous comprenez bien... Ils n'y ont rien perdu. Ah, oh, quelle douceur d'âme, quelle charité. Le zèle de vos messieurs n'oublie rien. Outre toutes ces précautions, on a mis en œuvre un moyen très ingénieux pour découvrir, s'il lui reste par malheur, quelques personnes de confiance qui n'aient pas encore les instructions et les sentiments nécessaires pour suivre à son égard le plan généralement admis. On lui fait écrire par des gens qui, se feignant dans la détresse, implorent son secours ou ses conseils pour s'en tirer. Il cause avec eux, il les console, il les recommande aux personnes sur lesquelles il compte. De cette manière, on parvient à les connaître et de là, facilement, à les convertir. Vous ne sauriez croire combien, par cette manœuvre, on a découvert de gens qui l'estimaient encore et qu'il continuait de tromper. Connus de nos messieurs, ils sont bientôt détachés de lui, et l'on parvient par un art tout particulier, mais infaillible, à le leur rendre aussi odieux qu'il leur fut cher auparavant. Mais, soit qu'il pénètre enfin ce manège, soit qu'en effet il ne lui reste plus personne, ses tentatives sont sans succès depuis quelque temps. Il refuse constamment de s'employer pour les gens qu'il ne connaît pas, et même de leur répondre. Et cela va toujours aux fins qu'on se propose en le faisant passer pour un homme insensible et dur. Car, encore une fois, rien n'est mieux pour éluder ses pernicieux desseins que de le rendre tellement haïssable à tous que dès qu'il désire une chose, c'en soit assez pour qu'il ne la puisse obtenir, et que dès qu'il s'intéresse en faveur de quelqu'un, ce quelqu'un ne trouve plus ni patron ni assistance. En effet, tous ces moyens que vous m'avez détaillés me paraissent, nous pouvons manquer de faire de ce Jean-Jacques la risée, le jouet du genre humain, et de le rendre le plus abhorré des mortels. Et sans doute. Voilà le grand, le vrai but des soins généreux de nos messieurs. À ce point, le dialogue commence à pivoter sur lui-même. Et ceci par la vertu propre du langage. Au début des dialogues, la force des persécuteurs résidait essentiellement dans leur silence. Dans un silence où l'innocence de Jean-Jacques ne pouvait que se perdre et s'étouffer. Mais dès que ces persécuteurs commencent à parler, même si celui qui parle n'est que leur double et leur ombre, alors en effet, ils sont perdus. Lentement, très lentement, les mots vont commencer à jouer leur rôle. Ils vont commencer à dire ce qu'ils ont à dire et à manifester ce qui devait demeurer secret. La vérité, et avec elle la possibilité de parler, vont refluer vers celui qui seul, en parlant, est capable de dire la vérité, c'est-à-dire vers Jean-Jacques. Et par une très savante triangulation, Jean-Jacques Rousseau va se reconstituer peu à peu, lentement, très lentement, comme un sujet parlant, à partir de cette dispersion originaire, à partir de ce silence où il était contraint, à partir du bruissement silencieux et tout-puissant de ses persécuteurs. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il va retrouver le droit merveilleux de dire « je » et « moi », ce droit qu'il avait dans les confessions et qu'il retrouvera bientôt dans les rêveries. Mais le chemin de la dispersion ne s'achèvera que plus tard. Monsieur, tout ce que vous m'avez appris et tout ce que vous m'avez prouvé est à mes yeux plein de choses inconcevables, contradictoires, absurdes, qui pourraient être admises demanderaient encore d'autres genres de preuves que celles qui suffisent pour les plus complètes démonstrations. Et c'est précisément ces mêmes choses absurdes que vous dépouillez de l'épreuve la plus nécessaire et qui met le sceau à toutes les autres. Vous m'avez fabriqué, tout à votre aise, un être tel qu'il n'en exista jamais, un monstre hors de la nature, hors de la vraisemblance, hors de la possibilité et formé de parties inaliables, incompatibles, qui s'excluent mutuellement. Vous avez donné pour principe à tous ces crimes le plus furieux, le plus intolérant, le plus extravagant amour propre, qu'il n'a pas laissé de déguiser si bien depuis sa naissance jusqu'au déclin de ses ans, qu'il n'en a paru nulle trace pendant tant d'années. Et qu'encore aujourd'hui, depuis ses malheurs, il étouffe ou contient si bien qu'on n'en voit pas le moindre signe. Malgré tout cet indomptable orgueil, vous m'avez fait voir dans le même être un petit menteur, un petit fripon, un petit coureur de cabaret et de mauvais lieux, un vil et crapuleux débauché pourri de Vérole, et qui passait sa vie à aller escroquant dans les tavernes quelques écus à droite et à gauche aux manants qui les fréquentent. Vous avez prétendu que ce même personnage était le même homme qui pendant 40 ans a vécu estimé, bien voulu de tout le monde, l'auteur des seuls écrits dans ce siècle qui portent dans l'âme des lecteurs la persuasion qui les a dictés, et dont on sent en les lisant que l'amour de la vertu et le zèle de la vérité font l'inimitable éloquence. Vous dites que ces livres, qui m'émeuvent ainsi le cœur, sont les jeux d'un scélérat qui ne sentait rien de ce qu'il disait avec tant d'ardeur et de véhémence, et qui cachait sous un air de probité le venin dont il voulait infecter ses lecteurs. Vous me forcez même de croire que ces écrits à la fois si fiers, si touchants, si modestes, ont été composés parmi les poses et les peintes, et chez les filles de joie où l'auteur passait sa vie, et vous me transformez enfin cet orgueil irascible et diabolique en abjection d'un cœur insensible et vil qui se rassasit sans peine de l'ignominie dont la breuve a plaisir la charité du public. Vous m'avez figuré, vos messieurs qui disposent à leur gré de sa réputation, de sa personne et de toute sa destinée, comme des modèles de vertu, des prodiges de générosité, des anges pour lui de douceur et de bienfaisance. Et vous m'avez appris en même temps que l'objet de tous leurs tendres soins avait été de le rendre l'horreur de l'univers, le plus déprisé des êtres, de le traîner d'opprobre en opprobre et de misère en misère, et de lui faire sentir à loisir dans les calamités de la plus malheureuse vie tous les déchirements que peut éprouver une âme fière en se voyant le jouet et le rebut du genre humain. Vous m'avez appris que par pitié, par grâce, tous ces hommes vertueux avaient bien voulu lui ôter tout moyen d'être instruit des raisons de tant d'outrage, s'abaisser en sa faveur au rôle de cajoleur et de traître, faire adroitement le plongeon à chaque éclaircissement qu'il cherchait, l'environner de souterrains et de pièges tellement tendus que chacun de ses pas fut nécessairement une chute, enfin le circonvenir avec tant d'adresse qu'en but aux insultes de tout le monde, il ne put jamais savoir la raison de rien, apprendre un seul mot de vérité, repousser aucun outrage, obtenir aucune explication, trouver, saisir aucun agresseur, et qu'à chaque instant, atteint des plus cruelles morsures, il sentit dans ceux qui l'entourent la flexibilité des serpents aussi bien que leur venin. Vous avez fondé le système qu'ensuite à son égard sur des devoirs dont je n'ai nulle idée, sur des vertus qui me font horreur, sur des principes qui renversent dans mon esprit tous ceux de la justice et de la morale. Figurez-vous des gens qui commencent par se mettre à chacun un bon masque bien attaché, qui s'arment de fer jusqu'aux dents, qui surprennent ensuite leur ennemi, le saisissent par derrière, le mettent nu, lui lient le corps, les bras, les mains, les pieds, la tête, de façon qu'il ne puisse remuer, lui mettent un baillon dans la bouche, lui crèvent les yeux, les tendent à terre, et passent enfin leur noble vie à le massacrer doucement, de peur que mourant de ses blessures, il ne cesse trop tôt de les sentir. Voilà les gens que vous voulez que j'admire. Rappelez, monsieur, votre équité, votre droiture, et sentez en votre conscience quelle sorte d'admiration je puis avoir pour eux. Vous m'avez prouvé, j'en conviens, autant que cela se pouvait par la méthode que vous avez suivie, que l'homme ainsi terrassé est un monstre abominable. Mais quand cela serait aussi vrai que difficile à croire, l'auteur et les directeurs du projet qui s'exécute à son égard seraient à mes yeux, je le déclare, encore plus abominables que lui. N'apercevez-vous point que pour éviter de prétendues absurdités, vous tombez dans une autre, sinon plus forte, au moins plus choquante? Vous justifiez un seul homme dont la condamnation vous déplaît aux dépens de toute une nation, que dis-je, de toute une génération dont vous faites une génération de fourbes. Car enfin, tout est d'accord. Tout le public, tout le monde, sans exception, a donné son assentiment au plan qui vous paraît si répréhensible. Tout se prête avec zèle à son exécution. Personne ne l'a désapprouvé. Personne n'a commis la moindre indiscrétion qui pût le faire échouer. Personne n'a donné le moindre indice, la moindre lumière à l'accusé qui pût le mettre en état de se défendre. Il n'a pu tirer d'aucune bouche un seul mot d'éclaircissement sur les charges atroces dont on l'accable à l'envi. Tout s'empresse à renforcer les ténèbres dont on l'environne, et l'on ne sait à quoi chacun se livre avec plus d'ardeur de le diffamer absent ou de le persifler présent. Il faudrait donc conclure de vos raisonnements qu'il ne se trouve pas dans toute la génération présente un seul honnête homme, pas un seul ami de la vérité. Admettez-vous cette conséquence ? La solution de ces difficultés doit se chercher, selon moi, dans quelque intermédiaire qui ne suppose dans toute une génération ni des vertus angéliques, ni la noirceur des démons, mais quelque disposition naturelle au cœur humain qui produit un effet uniforme par des moyens adroitement disposés à cette fin. Mais en attendant que mes propres observations me fournissent là-dessus quelque explication raisonnable, permettez-moi de vous faire une question qui s'y rapporte. Supposons un moment qu'après d'attentives et impartiales recherches, Jean-Jacques, au lieu d'être l'âme infernale et le monstre que vous voyez en lui, se trouvât au contraire un homme simple, sensible et bon, que son innocence universellement reconnue par ceux-mêmes qui l'ont traité avec tant d'indignité, vous força de lui rendre votre estime et de vous reprocher les durs jugements que vous avez portés de lui. Rentrez au fond de votre âme et dites-moi, comment vous seriez affecté de ce changement ? Cruellement, soyez-en sûr. Je sens qu'en l'estimant et lui rendant justice, Je le haïrais alors plus peut-être encore pour mes torts que je ne le hais maintenant pour ses crimes. Je ne lui pardonnerai jamais mon injustice envers lui. La RTF vient de présenter La liberté coupable. Sixième série, Rousseau, juge de Jean-Jacques. Texte choisi et présenté par Michel Foucault. Aujourd'hui, deuxième émission, La machination, avec René Farabet et Michel Vitton. C'était La liberté coupable. C'était La liberté coupable, Rousseau, juge de Jean-Jacques, par Michel Foucault, première diffusion, 29 février et 17 mars 1964. les grandes archives radiophoniques, La liberté coupable, Rousseau juge de Jean-Jacques, par Michel Foucault, producteur. En 1961, le philosophe Michel Foucault, qui vivait dans un petit appartement en face de la radio, publiait L'histoire de la folie. En 1964, date de ses émissions, il publiait La folie comme absence d'œuvre sur Antonin Artaud. Troisième émission de La liberté coupable, Rousseau juge de Jean-Jacques, L'innocence, où se fait jour, dans les dialogues Rousseau juge de Jean-Jacques, l'essence de leur auteur, grâce au discours unique entre lui-même et son double, un discours lié à la notion de la mort. La RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, sixième série. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Texte choisi et présenté par Michel Foucault. Aujourd'hui, troisième émission. L'innocence, avec René Farabet et Michel Vitol. Entre la première et la seconde journée des dialogues, un événement s'est passé. Si le français a encore refusé de lire les œuvres de Jean-Jacques, qu'il tient pour monstrueuses, Rousseau, lui, surmontant ses répugnances, a été rendre visite à son double, je veux dire à Jean-Jacques. Paradoxalement, la rencontre entre Jean-Jacques et Rousseau ne reconstitue pas l'unité perdue, inaccessible, de Jean-Jacques Rousseau. Elle n'autorise à aucun moment la redécouverte de cette voix lyrique qui parlait d'elle-même et pour elle-même dans les confessions. Rousseau parle de Jean-Jacques sans franchir jamais la distance qui les rend extérieurs l'un à l'autre. Rousseau parle de Jean-Jacques comme de l'étranger par excellence. Eh bien, monsieur, vous l'avez vu ? Eh bien, monsieur, vous l'avez lu ? Allons par ordre, je vous prie. Et permettez que nous commencions par vous, qui fûtes le plus pressé. Je vous ai laissé tout le temps de bien étudier notre homme. Je sais que vous l'avez vu par vous-même et tout à votre aise. Ainsi, vous êtes maintenant en état de le juger ou vous n'y serez jamais. Dites-moi donc enfin ce qu'il faut penser de cet étrange personnage. Non. Dire ce qu'il en faut penser n'est pas de ma compétence. Mais vous dire quant à moi ce que j'en pense... C'est ce que je ferai volontiers, si cela vous suffit. Je ne vous en demande pas davantage. Voyons donc. Pour vous parler selon ma croyance, je vous dirai donc tout franchement que, selon moi, ce n'est pas un homme vertueux. Ah ! Vous voilà donc enfin pensant comme tout le monde. Pas tout à fait, peut-être, car toujours selon moi, c'est beaucoup moins encore un détestable scélérat. Mais enfin, qu'est-ce donc ? Car vous êtes désolant avec vos éternelles énigmes. Il n'y a point là d'énigmes que celles que vous y mettez vous-même. C'est un homme sans malice plutôt que bon, une âme saine mais faible, qui adore la vertu sans la pratiquer, qui aime ardemment le bien et qui n'en fait guère. Pour le crime, je suis persuadé, comme de mon existence, qu'il n'approcha jamais de son cœur non plus que de la haine. Voilà le sommaire de mes observations sur son caractère moral. Le reste ne peut se dire en abrégé. Car cet homme ne ressemble à nul autre que je connaisse. Ce Rousseau sans visage, qui va exposer aux Français ce qu'il a vu, est si proche de Jean-Jacques qu'il pourra, sans la moindre trace d'ombre, dire ce qu'est Jean-Jacques en son essence la plus intime. Mais d'un autre côté, ce même Jean-Jacques, il est si retiré, tellement inaccessible à toute parole et à tout regard, que ce n'est ni son existence concrète ni son histoire réelle qui vont transparaître et se faire jour dans le discours de Rousseau, mais seulement en quelque sorte une essence immobile, à la fois unique et universelle. L'essence de Jean-Jacques, dont on ne peut parler qu'à la troisième personne, figée, transparente, tranquille. quelque chose comme un cristal au fond de l'eau. De là, sans doute, l'étrange sonorité de tout ce dialogue. C'est qu'à vrai dire, la parole de Rousseau sur Jean-Jacques n'est ni le discours extérieur de quelqu'un sur un autre, ni non plus le discours intérieur de soi-même sur soi-même. C'est plutôt l'impossible discours d'un double sur son essence, du nombre sur son éternelle vérité. Quand Jean-Jacques Rousseau se dédouble en Jean-Jacques d'une part et en Rousseau de l'autre, il n'imite pas le regard d'autrui, il mime, en réalité, le moment de sa propre mort. Ce discours par lequel il veut enfin apparaître dans sa vérité, ce discours repose obscurément sur sa propre disparition. De là, cette raideur de pierre, cette transparence un peu froide, cette absence d'ombre dans tout ce discours qui passe par la blanche visibilité de la mort. Commençant par le premier abord, je crus, sur les difficultés auxquelles vous m'aviez préparé, devoir premièrement lui écrire. Voici ma lettre et voici sa réponse. Comment ? Il vous a répondu ? Dans l'instant même. Voilà qui est particulier. Voyons donc cette lettre qui lui a fait faire un si grand effort. Elle n'est pas bien recherchée, comme vous allez voir. J'ai besoin de vous voir, de vous connaître. Et ce besoin est fondé sur l'amour de la justice et de la vérité. On dit que vous rebutez les nouveaux visages. Je ne dirai pas si vous avez tort ou raison. Mais si vous êtes l'homme de vos livres, ouvrez-moi votre porte avec confiance. Je vous en conjure pour moi. Je vous le conseille pour vous. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez encore m'admettre sans crainte. Je ne vous importunerai pas longtemps. Réponse. Vous êtes le premier que le motif qui vous amène est conduit ici. Car de tant de gens qui ont la curiosité de me voir, pas un n'a celle de me connaître. Tous croient me connaître assez. Venez donc pour la rareté du fait. Mais que voulez-vous ? Et pourquoi me parler de mes livres ? Si, les ayant lus, ils ont pu vous laisser en doute sur les sentiments de l'auteur, ne venez pas. En ce cas, je ne suis pas votre homme, car vous ne sauriez être le mien. La conformité de cette réponse avec mes idées ne ralentit pas mon zèle. Je vole à lui, je le vois. Avant même que je l'abordasse, en le voyant, j'augurais bien de mon projet. Sur ces portraits de lui si vantés qu'on étale de toutes parts, et qu'on prenait comme des chefs-d'œuvre de ressemblance avant qu'il revînt à Paris, je m'attendais à voir la figure d'un cyclope affreux comme celui d'Angleterre ou d'un petit crispin grimacier comme celui de Fiquet. Et croyant trouver sur son visage les traits du caractère que tout le monde lui donne, je m'avertissais de me tenir en garde contre une première impression si puissante toujours sur moi et de suspendre malgré ma répugnance le préjugé qu'elle allait m'inspirer. Je n'ai pas eu cette peine. Au lieu du féroce ou doucereux aspect auquel je m'étais attendu, je n'ai vu qu'une physionomie ouverte et simple qui promettait et inspirait de la confiance et de la sensibilité. Il faut donc qu'il n'ait cette physionomie que pour vous, car généralement tous ceux qui l'abordent se plaignent de son air froid et de son accueil repoussant, dont heureusement il ne s'embarrasse guère. Il est vrai que personne au monde ne cache moins que lui l'éloignement et le dédain pour ceux qui lui en inspirent. Mais ce n'est point là son abord naturel, quoiqu'aujourd'hui très fréquent. Et cet accueil dédaigneux que vous lui reprochez est pour moi la preuve qu'il ne se contrefait pas comme ceux qui l'abordent, et qu'il n'y a point de fausseté sur son visage non plus que dans son cœur. Jean-Jacques n'est assurément pas un bel homme. Il est petit et s'appetisse encore en baissant la tête. Il a la vue courte, de petits yeux enfoncés, des dents horribles. Ses traits altérés par l'âge n'ont rien de fort régulier. Mais tout dément en lui l'idée que vous me l'aviez donnée. Ni le regard, ni le son de voix, ni l'accent, ni le maintien ne sont du monstre que vous m'avez peint. Les affections auxquelles il a le plus de pente se distinguent même par des signes physiques. Pour peu qu'il soit ému, ses yeux se mouillent à l'instant. Cependant, jamais la seule douleur ne lui fit verser une larme. Mais tout sentiment tendre et doux, ou grand et noble, dont la vérité passe à son cœur, lui en arrache infailliblement. Il ne saurait pleurer que d'attendrissement ou d'admiration. La tendresse et la générosité sont les deux seules cordes sensibles par lesquelles on peut vraiment l'affecter. Il peut voir ses malheurs d'un œil sec, mais il pleure en pensant à son innocence et au prix qu'avait mérité son cœur. Il est des malheurs auxquels il n'est pas même permis à un honnête homme d'être préparé. Tels sont ceux qu'on lui destinait. En le prenant au dépourvu, ils ont commencé par l'abattre. Cela devait être. Mais ils n'ont pu le changer. Il a pu, quelques instants, se laisser dégrader jusqu'à la bassesse, jusqu'à la lâcheté. Jamais jusqu'à l'injustice, jusqu'à la fausseté, jusqu'à la trahison. Revenu de cette première surprise, il s'est relevé. Et vraisemblablement, ne se laissera plus abattre. Parce que son naturel a repris le dessus. Que connaissant enfin les gens auxquels il a affaire, il est préparé à tout. Et qu'après avoir épuisé sur lui tous les traits de leur rage, ils se sont mis hors d'état de lui faire pis. Je l'ai vu dans une position unique et presque incroyable, plus seul au milieu de Paris que Robinson dans son île, et séquestré du commerce des hommes par la foule même, empressée à l'entourer pour empêcher qu'il ne se lie avec personne. Je l'ai vu concourir volontairement avec ses persécuteurs à se rendre sans cesse plus isolé, et tandis qu'il travaillait sans relâche à le tenir séparé des autres hommes, s'éloigner des autres et d'eux-mêmes de plus en plus. Ils veulent rester pour lui servir de barrière, pour veiller à tous ceux qui pourraient l'approcher, les gagner ou les écarter, pour observer ses discours, sa contenance, pour jouir à long trait du doux aspect de sa misère, pour chercher d'un œil curieux s'il reste quelque place en son cœur déchiré où il puisse porter encore quelque atteinte. Dans cet état devait-il se manquer à lui-même au point d'aller chercher dans la société les indignités peu déguisées dont on se plaisait à l'y charger. Devait-il s'aller donner en spectacle à ces barbares qui, se faisant de ses peines un objet d'amusement, ne cherchaient qu'à lui serrer le cœur par toutes les étreintes de la détresse et de la douleur qui pouvaient lui être les plus sensibles? Voilà ce qui lui rendit indispensable la manière de vivre à laquelle il s'est réduit, ou pour mieux dire, à laquelle on l'a réduit. Car c'est à quoi l'on en voulait venir. Et l'on s'est attaché à lui rendre si cruelle et si déchirante la fréquentation des hommes qu'il fut forcé d'y renoncer enfin tout à fait. Vous me demandez, disait-il, pourquoi je fuis les hommes? Demandez-le à eux-mêmes, ils le savent encore mieux que moi. Mais une âme expansive change-t-elle ainsi de nature et se détache-t-elle ainsi de tout? Tous ses malheurs ne vinrent que de ce besoin d'aimer qui dévora son cœur dès son enfance et qui l'inquiète et le trouble encore au point que, resté seul sur la terre, il attend le moment d'en sortir pour voir réaliser enfin ses visions favorites et retrouver dans un meilleur ordre de choses une patrie et des amis. Il y a cependant un problème. Comment un tel homme, fait pour une vie aussi transparente, aussi réservée, aussi cachée, pour une vie aussi immédiate, comment un tel homme a-t-il pu écrire des livres? Pourquoi, quand on est fait pour aimer les choses et les gens? Pourquoi, quand on ne peut imposer ni détour, ni délai à ses affections, utiliser, vouloir utiliser tous les jeux hypocrites de l'écriture? Il atteignit et passa l'âge mûr sans songer à faire des livres et sans sentir un instant le besoin de cette célébrité fatale qui n'était pas faite pour lui, dont il n'a goûté que les amertumes et qu'on lui a fait payer si cher. Ses visions chéries lui tenaient lieu de tout, et dans le feu de la jeunesse, sa vive imagination surchargée, accablée d'objets charmants qui venaient incessamment la remplir, tenait son cœur dans une ivresse continuelle qui ne lui laissait ni le pouvoir d'arranger ses idées, ni celui de les fixer, ni le temps de les écrire, ni le désir de les communiquer. Ce ne fut que quand ces grands mouvements commencèrent à s'apaiser, quand ses idées prenant une marche plus réglée et plus lente, il en put suivre assez la trace pour la marquer, ce fut, dis-je, alors seulement que l'usage de la plume lui devint possible, et qu'à l'exemple et à l'instigation des gens de lettres avec lesquels il vivait alors, il lui vint en fantaisie de communiquer au public ces mêmes idées dont il s'était longtemps nourri lui-même et qu'il crut être utile au genre humain. Ce fut même, en quelque façon par surprise et sans en avoir formé le projet, qu'il se trouva jeté dans cette funeste carrière où dès lors peut-être on creusait déjà sous ses pas ces gouffres de malheur dans lesquels on l'a précipité. Dès sa jeunesse, il s'était souvent demandé pourquoi il ne trouvait pas tous les hommes bons, sages, heureux, comme il lui semblait fait pour l'être. Il cherchait dans son cœur l'obstacle qui les en empêchait et ne le trouvait pas. Si tous les hommes, se disait-il, me ressemblaient, il régnerait sans doute une extrême langueur dans leur industrie. Ils auraient peu d'activité et n'en auraient que par brusques et rares secousses. Mais ils vivraient entre eux dans une très douce société. Pourquoi n'y vivent-ils pas ainsi? Pourquoi, toujours accusant le ciel de leur misère, travaillent-ils sans cesse à les augmenter? En admirant les progrès de l'esprit humain, il s'étonnait de voir croître en même proportion les calamités publiques. Il entrevoyait une secrète opposition entre la constitution de l'homme et celle de nos sociétés. Mais c'était plutôt un sentiment sourd, une notion confuse qu'un jugement clair et développé. L'opinion publique l'avait trop subjugué lui-même pour qu'il osât réclamer contre de si unanimes décisions. Une malheureuse question d'académie qu'il lut dans un Mercure vint tout à coup dessiller ses yeux, débrouiller ce chaos dans sa tête, lui montrer un autre univers, un véritable âge d'or, des sociétés d'hommes simples, sages, heureux, et réaliser en espérance toutes ses visions par la destruction des préjugés qu'il avait subjugués lui-même, mais dont il crut en ce moment voir découler les vices et les misères du genre humain. De la vive effervescence qui se fit alors dans son âme, sortirent ces étincelles de génie qu'on a vu briller dans ses écrits durant 10 ans de délire et de fièvre, mais dont aucun vestige n'avait paru jusqu'alors, et qui vraisemblablement n'aurait pu briller dans la suite si cet accès passé, il eût voulu continuer d'écrire. Il s'est livré à l'amusement de la botanique à laquelle il a donné pendant plusieurs années la meilleure partie de son temps. Dans de grandes et fréquentes herborisations, il a fait une immense collection de plantes. Il les a desséchées avec des soins infinis. Il les a collées avec une grande propreté sur des papiers qu'il ornait de cadres rouges. Il s'est appliqué à conserver la figure et la couleur des fleurs et des feuilles, au point de faire de ses herbiers ainsi préparés des recueils de miniatures. Il en a donné, envoyé à diverses personnes, et ce qui lui reste suffirait pour persuader à ceux qui savent combien ce travail exige de temps et de patience qu'il en fait son unique occupation. Ajoutez le temps qu'il lui a fallu pour étudier à fond les propriétés de toutes ces plantes, pour les piler, les extraire, les distiller, les préparer de manière à en tirer les usages auxquels il les destine. Car enfin, quelque prévenu pour lui que vous puissiez être, vous comprenez bien, je pense, qu'on n'étudie pas la botanique pour rien. Sans doute. Je comprends que le charme de l'étude de la nature est quelque chose pour toute âme sensible, et beaucoup pour un solitaire. Quant aux préparations dont vous parlez, et qui n'ont nul rapport à la botanique, je n'en ai pas vu chez lui le moindre vestige. Je ne me suis point aperçu qu'il eût fait aucune étude des propriétés des plantes, ni même qu'il y crût beaucoup. Je n'ai rien vu chez lui qui montrât ce goût de pharmacie. J'y ai vu seulement des cartons remplis des rameaux de plantes dont je viens de vous parler, et des graines distribuées dans de petites boîtes classées, comme les plantes qui les fournissent selon les systèmes de Linnu. Ah, de petites boîtes. Eh bien, monsieur, ces petites boîtes, à quoi servent-elles? Qu'en dites-vous? Belle demande. Empoisonner les gens. À qui il fait avaler en bol toutes ces graines? Par exemple, vous avalerez par mégarde une once ou deux de graines de pavot qui vous endormira pour toujours, et du reste comme cela. C'est encore la même chose à peu près dans les plantes. Il vous les fait brouter comme du fourrage, ou bien il vous en fait boire du jus dans des sauces. Et non, monsieur, on sait bien que ce n'est pas de la sorte que la chose peut se faire. Et nos médecins qui l'ont voulu décider ainsi se sont fait tort chez les gens instruits. Une écuellée de jus de ciguë ne suffit pas à Socrate. Il en fallut une seconde. Il faudrait donc que Jean-Jacques fît boire à son monde des bassins de jus d'herbe ou manger des litrons de graines. Oh, que ce n'est pas ainsi qu'il s'y prend. Il sait, à force d'opérations, de manipulations, concentrer tellement les poisons des plantes qu'ils agissent plus fortement que ceux-mêmes des minéraux. Il les escamote et vous les fait avaler sans qu'on s'en aperçoive. Il les fait même agir de loin, comme la poudre de sympathie. Et, comme le basilic, il sait empoisonner les gens en les regardant. Il a suivi jadis un cours de chimie, rien n'est plus certain. Or, vous comprenez bien ce que c'est, ce que ce peut être, qu'un homme qui n'est ni médecin ni apothicaire et qui néanmoins suit des cours de chimie et cultive la botanique. Vous dites cependant n'avoir vu chez lui nul vestige de préparation chimique. Quoi? Point d'alambic, de fourneau, de chapiteau, de cornu? Rien qui ait rapport à un laboratoire? Pardonnez-moi vraiment, j'ai vu dans sa petite cuisine un réchaud, des cafetières de fer blanc, des plats, des pots, des écuelles de terre. Des plats, des pots, des écuelles? Eh mais vraiment, voilà l'affaire! Il n'en faut pas davantage pour empoisonner tout le genre humain. Témoins Mignot et ses successeurs. Vous me direz que les poisons qu'on prépare dans des écuelles doivent se manger à la cuillère et que les potages ne s'escamotent pas. Oh non, je ne vous dirai point tout cela, je vous jure, ni rien de semblable. Je me contenterai d'admirer. Oh, la savante, la méthodique marche que d'apprendre la botanique pour se faire empoisonneur. C'est comme s'il en apprenait la géométrie pour se faire assassin. Je vous vois sourire bien dédaigneusement. Vous passionnerez-vous toujours pour cet homme-là? Me passionnez-moi? Rendez-moi plus de justice et soyez même assuré que jamais Rousseau ne défendra Jean-Jacques accusé d'être un empoisonneur. Je vous ai écouté avec une attention dont vous devez être content. Vous ne parlez, dites-vous, que d'après vos propres observations. La plupart de ceux que vous démentez ne parlent non plus que d'après les leurs. Ils ont vu noir ou vous voyez blanc, mais ils sont tous d'accord sur cette couleur noire. La blanche ne frappe nuls autres yeux que les vôtres. Vous êtes seul contre tous. La vraisemblance est-elle pour vous? La raison permet-elle de donner plus de force à votre unique suffrage qu'au suffrage unanime de tout le public? Tout est d'accord sur le compte de cet homme que vous vous obstinez seul à croire innocent, malgré tant de preuves auxquelles vous-même ne trouvez rien à répondre. Si ces preuves sont autant d'impostures et de sophismes, que faut-il donc penser de tout le genre humain? Quoi, toute une génération s'accorde à calomnier un innocent, à le couvrir de fange, à le suffoquer, pour ainsi dire, dans le bourbier de la diffamation, tandis qu'il ne faut, selon vous, couvrir les yeux sur lui pour se convaincre de son innocence et de la noirceur de ses ennemis. Prenez garde, monsieur Rousseau, c'est vous-même qui prouvez trop. Si Jean-Jacques était tel que vous l'avez vu, serait-il possible que vous fussiez le premier et le seul à l'avoir vu sous cet aspect? Ne reste-t-il donc que vous seul d'homme juste et sensé sur la terre? S'il en reste un autre qui ne pense pas ici comme vous, toutes vos observations sont anéanties et vous restez seul chargé de l'accusation que vous intentez à tout le monde d'avoir vu ce que vous désiriez de voir et non ce qui était, en effet. Répondez à cette seule objection, mais répondez juste et je me rends sur tout le reste. Pour vous rendre ici franchise pour franchise, je commence par vous déclarer que cette seule objection à laquelle vous me sommez de répondre est à mes yeux un abîme de ténèbres où mon entendement se perd. Jean-Jacques lui-même n'y comprend rien non plus que moi. Il s'avoue incapable d'expliquer, d'entendre la conduite publique à son égard. Ce concert avec lequel toute une génération s'empresse d'adopter un plan si exécrable la lui rend incompréhensible. Cette animosité plus vive, plus agissante que la simple aversion me paraît à l'égard de Jean-Jacques la disposition générale de toute la génération présente. L'air seul dont il est regardé passant dans les rues montre évidemment cette disposition qui se gêne et se contraint quelquefois dans ceux qui le rencontrent, mais qui perce et se laisse apercevoir malgré eux. À l'empressement grossier et badaud de s'arrêter, de se retourner, de le fixer, de le suivre, aux chuchotements ricaneurs qui dirigent sur lui le concours de leurs impudents regards, on les prendrait moins pour d'honnêtes gens qui ont le malheur de rencontrer un monstre effrayant que pour des tas de bandits tout joyeux de tenir leur proie et qui se font un amusement digne d'eux d'insulter à son malheur. Voyez-le entrant au spectacle, entouré dans l'instant d'une étroite enceinte de bras tendus et de cannes dans laquelle vous pouvez penser comme il est à son aise. À quoi sert cette barrière? S'il veut la forcer, résistera-t-elle? Non, sans doute. À quoi sert-elle donc? Uniquement à se donner l'amusement de le voir enfermé dans cette cage et à lui faire bien sentir que tous ceux qui l'entourent se font un plaisir d'être à son égard autant d'argousins et d'archers. Est-ce aussi par bonté qu'on ne manque pas de cracher sur lui toutes les fois qu'il passe à portée et qu'on le peut, sans être aperçu de lui? Envoyer le vin d'honneur au même homme sur qui l'on crache, c'est rendre l'honneur encore plus cruel que l'outrage. Tous les signes de haine, de mépris, de fureur même, qu'on peut tacitement donner à un homme sans y joindre une insulte ouverte et directe, lui sont prodigués de toutes parts, et tout en l'accablant des plus fades compliments, en affectant pour lui les petits soins mielleux qu'on rend aux jolies femmes, s'il avait besoin d'une assistance réelle, on le verrait périr avec joie sans lui donner le moindre secours. Je l'ai vu dans la rue Saint-Honoré faire presque sous un carrosse une chute très périlleuse. On court à lui, mais sitôt qu'on reconnaît Jean-Jacques, tout se disperse. Les passants reprennent leur chemin, les marchands rentrent dans leurs boutiques, et il serait resté seul dans cet état si un pauvre mercier rustre et mal instruit ne lui fait asseoir sur son petit banc, et si une servante tout aussi peu philosophe ne lui a apporté un verre d'eau. Tel est en réalité l'intérêt si vif et si tendre dont l'heureux Jean-Jacques est l'objet. Une animosité de cette espèce ne suit pas, quand elle est forte et durable, la route la plus courte, mais la plus sûre pour s'assouvir. Or, cette route étant déjà toutes tracées dans le plan de vos messieurs, le public qu'ils ont mis avec art dans leur confidence n'a plus eu qu'à suivre cette route. Et tous, avec le même secret entre eux, ont concouru de concert à l'exécution de ce plan. C'est là ce qui s'est fait. Mais comment cela s'est-il pu faire? Voilà votre difficulté qui revient toujours. Que cette animosité, une fois excitée, ait altéré les facultés de ceux qui s'y sont livrés, au point de leur faire voir la bonté, la générosité, la clémence dans toutes les manœuvres de la plus noire perfidie, rien n'est plus facile à concevoir. Chacun sait trop que les passions violentes, commençant toujours par égarer la raison, peuvent rendre l'homme injuste et méchant dans le fait, et pour ainsi dire à l'insu de lui-même, sans avoir cessé d'être juste et bon dans l'âme, ou du moins d'aimer la justice et la vertu. Mais cette haine envenimée, comment est-on venu à bout de l'allumer? Comment a-t-on pu rendre odieux à ce point l'homme du monde le moins fait pour la haine, qui n'eut jamais ni intérêt ni désir de nuire à autrui, qui ne fit, ne voulut, ne rendit jamais de mal à personne, qui, sans jalousie, sans concurrence, n'aspirant à rien et marchant toujours seul dans sa route, ne fut un obstacle à nul autre, et qui, au lieu des avantages attachés à la célébrité, n'a trouvé dans la sienne qu'outrage, insulte, misère et diffamation. J'entrevois bien dans tout cela la cause secrète qui a mis en fureur les auteurs du complot. La route que Jean-Jacques avait prise était trop contraire à la leur pour qu'ils lui pardonnassent de donner un exemple qu'ils ne voulaient pas suivre et d'occasionner des comparaisons qu'il ne leur convenait pas de souffrir. Ils avaient vu cet homme adoptant des principes tout contraires aux leurs, ne vouloir, ne suivre ni parti ni secte, ne dire que ce qui lui semblait vrai, bon, utile aux hommes, sans consulter en cela son propre avantage ni celui de personne en particulier. Cette marche et la supériorité qu'elle lui donnait sur eux fut la grande source de leur haine. Ils ne purent lui pardonner de ne pas plier comme eux sa parole à son profit, de tenir si peu à son intérêt et au leur, et de montrer tout franchement l'abus des lettres et la forfanterie du métier d'auteur, sans se soucier de l'application que ne manquerait pas de lui faire à lui-même des maximes qu'il établissait, ni de la fureur qu'il allait inspirer à ceux qui se vantent d'être les arbitres de la renommée, les distributeurs de la gloire et de la réputation des actions et des hommes, mais qui ne se vantent pas que je sache de faire cette distribution avec justice et désintéressement. Abhorrant la satire autant qu'il aimait la vérité, on le vit toujours distinguer honorablement les particuliers et les combler de sincères éloges lorsqu'il avançait des vérités générales dont il aurait pu s'offenser. Il faisait sentir que le mal tenait à la nature des choses et le bien aux vertus des individus. Il faisait, et pour ses amis et pour les auteurs, qu'il jugeait estimables, les mêmes exceptions qu'il croyait méritées. Et l'on sent, en lisant ses ouvrages, le plaisir que prenait son cœur à ces honorables exceptions. Mais ceux qui s'en sentaient moins dignes qu'ils les avaient crus, et dont la conscience repoussait en secret ses éloges, s'en irait en mesure qu'il les méritait moins, ne lui pardonnèrent jamais d'avoir si bien démêlé les abus d'un métier qu'il tâchait de faire admirer aux vulgaires, ni d'avoir par sa conduite déprisé tacitement, quoique involontairement, la leur. La haine envenimée que ces réflexions firent naître dans leur cœur leur suggéra le moyen d'en exciter une semblable dans les cœurs des autres hommes. Ils commencèrent par dénaturer tous ses principes, par travestir un républicain sévère en un brouillon séditieux, son amour pour la liberté légale en une licence effrénée et son respect pour les lois en aversion pour les princes. Ils l'accusèrent de vouloir renverser tout l'ordre de la société parce qu'il s'indignait qu'osant consacrer sous ce nom les plus funestes au désordre, on insulta aux misères du genre humain en donnant les plus criminels abus pour les lois dont ils sont la ruine. Sa colère contre les brigandages publics, sa haine contre les puissants fripons qui les soutiennent, son intrépide audace à dire des vérités dures à tous les États, furent autant de moyens employés à les irriter tous contre lui. Pour le rendre odieux à ceux qui les remplissent, on l'accusa de les mépriser personnellement. Les reproches durs mais généraux qu'il faisait à tous furent tournés en autant de satires particulières dont on fit avec art les plus malignes applications. J'ai jeté sur vos objections et vos doutes l'éclaircissement qui dépendait de moi. Cet éclaircissement, je le répète, n'en peut dissiper l'obscurité même à mes yeux, car la réunion de toutes ces causes est trop au-dessous de l'effet, pour qu'il n'ait pas quelque autre cause encore plus puissante qu'il m'est impossible d'imaginer. Mais je ne trouvais rien du tout à vous répondre que je n'en resterais pas moins dans mon sentiment. Non par un entêtement ridicule, mais parce que j'y vois moins d'intermédiaires entre moi et le personnage jugé, et que de tous les yeux auxquels il faut que je m'en rapporte, ceux dont j'ai le moins à me défier sont les miens. On nous prouve, j'en conviens, des choses que je n'ai pu vérifier et qui me tiendraient peut-être encore en doute si l'on ne prouvait tout aussi bien beaucoup d'autres choses que je sais très certainement être fausses. Et quelle autorité peut rester pour être crue en aucune chose à ceux qui savent donner au mensonge tous les signes de la vérité? Au reste, souvenez-vous que je ne prétends point ici que mon jugement fasse autorité pour vous. Mais après les détails dans lesquels je viens d'entrer, vous ne seriez blâmé qu'il la fasse pour moi. Et quelque appareil de preuve qu'on m'étale en se cachant de l'accusé, tant qu'il ne sera pas convaincu en personne et moi présent d'être tel que l'on peint vos messieurs, je me croirai bien fondé à le juger tel que je l'ai vu moi-même. À présent que j'ai fait ce que vous avez désiré, il est temps de vous expliquer à votre tour et de m'apprendre, d'après vos lectures, comment vous l'avez vu dans ses écrits. Il est tard pour aujourd'hui. Je pars demain pour la campagne. Nous nous verrons à mon retour. Grandes archives radiophoniques. La liberté coupable, Rousseau juge de Jean-Jacques par Michel Foucault, producteur, en 1964. Quatrième et dernière émission intitulée L'heureuse entreprise. Le rôle explicatif du langage dans les dialogues Rousseau juge de Jean-Jacques. Parallèle par Michel Foucault entre le destin de Sade et de Jean-Jacques Rousseau. La RTF présente La liberté coupable. La liberté coupable, sixième série. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Texte choisi et présenté par Michel Foucault. Aujourd'hui, quatrième émission, L'heureuse entreprise, avec René Farabet et Michel Vitold. Un peu de temps vient de passer. Le Français, dans le dialogue précédent, avait promis à Rousseau de lire les œuvres de Jean-Jacques. Voilà qui est chose faite maintenant. Rousseau et le Français se retrouvent. Vous avez fait un long séjour en campagne. Le temps ne m'y durait pas. Je le passais avec votre ami. Oh, s'il se pouvait qu'un jour il devint le vôtre. Vous jugerez de cette possibilité par l'effet de votre conseil. Je les ai lus, enfin, ces livres, si justement détestés. Monsieur... Je les ai lus. Non pas assez encore pour les bien entendre, mais assez pour y avoir trouvé, nombré, recueilli les crimes irrémissibles qui n'ont pu manquer de faire de leur auteur le plus odieux de tous les monstres et l'horreur du genre humain. Que dites-vous? Est-ce bien vous qui parlez? Et faites-vous à votre tour des énigmes de grâce, expliquez-vous promptement. La liste que je vous présente vous servira de réponse et d'explication. En la lisant, nul homme raisonnable ne sera surpris de la destinée de l'auteur. Voyons donc cette étrange liste. La voilà. J'aurais pu la rendre aisément 10 fois plus ample, surtout si j'y avais fait entrer les nombreux articles qui regardent le métier d'auteur et le corps des gens de lettres, mais ils sont si connus qu'il suffit d'en donner 1 ou 2 pour exemple. Dans ceux de toute espèce auxquels je me suis borné et que j'ai notés sans ordre, comme ils se sont présentés, je n'ai fait qu'extraire et transcrire fidèlement les passages. Vous jugerez vous-même des effets qu'ils ont dû produire et des qualifications que dut espérer leur auteur, sitôt qu'on put l'en charger impunément. Au sujet des gens de lettres. Premièrement, qui est-ce qui nie que les savants sachent 1000 choses vraies que les ignorants ne sauront jamais? Les savants sont-ils pour cela plus près de la vérité? Tout au contraire. Il s'en éloigne en avançant, parce que la vanité de juger faisant encore plus de progrès que les Lumières, chaque vérité qu'ils apprennent ne vient qu'avec 100 jugements faux. Il est de la dernière évidence que les compagnies savantes de l'Europe ne sont que des écoles publiques de mensonges, et très sûrement, il y a plus d'erreurs dans l'Académie des sciences que dans tout un peuple de Hurons. Émile, livre 3. Deuxièmement, tel fait aujourd'hui l'esprit fort et le philosophe qui, par la même raison, n'eût été qu'un fanatique du temps de la Ligue. Préface du discours de Dijon. Troisièmement, les hommes ne doivent point être instruits à demi. S'ils devaient rester dans l'erreur, que ne les laissiez-vous dans l'ignorance ? À quoi bon tant d'écoles et d'universités pour ne leur apprendre rien de ce qui leur importe à savoir ? Quel est donc l'objet de vos collèges, de vos académies et de toutes vos fondations savantes ? Est-ce de donner le change au peuple, d'altérer sa raison d'avance et de l'empêcher d'aller au vrai ? Professeur de mensonges, c'est pour l'égarer que vous feignez de l'instruire, et comme ces brigands qui mettent des fanaux sur les écueils, vous l'éclairez pour le perdre. Lettre à Monsieur de Beaumont. Quatrièmement, on lisait ces mots gravés sur un marbre au Thermopyles. Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses saintes lois. On voit bien que ce n'est pas l'Académie des inscriptions qui a composé celle-là. Émile, livre 4. Les médecins maintenant. Un corps débile affaiblit l'âme. De là, l'empire de la médecine. Art plus pernicieux aux hommes que tous les maux qu'il prétend guérir. Je ne sais pour moi de quelle maladie nous guérissent les médecins, mais je sais qu'ils nous en donnent de bien funestes. La lâcheté, la pusillanimité, la terreur de la mort. S'ils guérissent le corps, ils tuent le courage. Que nous importe qu'ils fassent marcher des cadavres ? Ce sont des hommes qu'il nous faut et l'on n'en voit point sortir de leurs mains. Émile, livre 1er. Sur les rois, les grands, les riches. Les peuples, une fois accoutumés à des maîtres, ne sont plus en état de s'en passer. S'ils tendent de secouer le joug, ils s'éloignent d'autant plus de la liberté que, prenant pour elle une licence effrénée qui lui est opposée, leur révolution les livre presque toujours à des séducteurs qui, sous le leurre de la liberté, ne font qu'aggraver leur chaîne. Ah, c'est écrit dans l'épître dédicatoire du discours sur l'inégalité. Ceci maintenant. Ce petit garçon que vous voyez là, disait Thémistocle à ses amis, est l'arbitre de la Grèce, car il gouverne sa mère me gouverne, je gouverne les Athéniens, et les Athéniens gouvernent les Grecs. Oh, quel petit conducteur on trouverait souvent aux plus grands états si, du prince, on descendait par degrés jusqu'à la première main qui donne le branle en secret. Émile, livre 2e. Enfin, dans le discours sur l'économie politique, tous les avantages de la société ne sont-ils pas pour les puissants et les riches ? Tous les emplois lucratifs ne sont-ils pas remplis par eux seuls ? Toutes les grâces, toutes les exemptions ne leur sont-elles pas réservées ? Et l'autorité publique n'est-elle pas toute en leur faveur ? Qu'un homme de considération vole ses créanciers ou fasse d'autres friponneries, n'est-il pas toujours sûr de l'impunité ? Les coups de bâton qu'il distribue, les violences qu'il commet, les meurtres même et les assassinats dont il se rend coupable ne sont-ce pas des bruits passagers qu'on assoupit et dont au bout de 6 mois il n'est plus question ? Que ce même homme soit volé lui-même, toute la police est aussitôt en mouvement. Et malheur aux innocents qu'il soupçonne. Passe-t-il dans un lieu dangereux ? Voilà les escortes en campagne. L'essieu de sa chaise vient-il à rompre ? Tout vole à son secours. Fait-on du bruit à sa porte ? Il dit un mot et tout se tait. La foule l'incommode-t-elle ? Il fait un signe et tout se range. Un charretier se trouve-t-il sur son passage ? Ses gens sont prêts à l'assommer. Et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés 100 fois qu'un faquin oisif un moment retardé dans son équipage. Tous ces égards ne lui coûtent pas un sou. Ils sont le droit de l'homme riche et non le prix de la richesse. Que le tableau du pauvre est différent. Plus l'humanité lui doit, plus la société lui refuse. Toutes les portes lui sont fermées quand il a le droit de se les faire ouvrir. Et si quelquefois il obtient justice, c'est avec plus de peine qu'un autre n'obtiendrait grâce. S'il y a des corvées à faire, une milice à tirer, c'est à lui qu'on donne la préférence. Il porte toujours, outre sa charge, celle dont son voisin plus riche a le crédit de se faire exempter. Au moindre accident qui lui arrive, chacun s'éloigne de lui. Si sa pauvre charrette renverse, loin d'être aidé par personne, il aura du bonheur s'il évite en passant les avanies des gens lestes d'un jeune duc. En un mot, toute assistance gratuite le fuit au besoin, précisément parce qu'il n'a pas de quoi la payer. Mais je le tiens pour un homme perdu, s'il a le malheur d'avoir l'âme honnête, une fille aimable et un puissant voisin. Et ceci à propos des Anglais. S'il est difficile qu'un grand État soit bien gouverné, il l'est beaucoup plus qu'il soit gouverné par un seul homme. Et chacun sait ce qu'il arrive quand le roi se donne des substituts. Ah, je n'ajouterai rien sur ce dernier article, sa seule lecture, dont le contrat social, livre 3, chapitre 6, vous a tout dit. Tenez, monsieur, il n'y a dans tout ceci qu'une chose qui m'étonne. C'est qu'un étranger, isolé, sans parents, sans appui, ne tenant à rien sur la terre, et voulant dire toutes ces choses-là, ait cru les pouvoir dire impunément. Voilà ce qu'il n'a point cru, je vous assure. Il a dû s'attendre aux cruelles vengeances de tous ceux qu'offensent la vérité, et il s'y est attendu. Il savait que les grands, les vizirs, les robins, les financiers, les médecins, les prêtres, les philosophes, et tous les gens de parti qui font de la société un vrai brigandage, ne lui pardonnerait jamais de les avoir vus et montrés tels qu'ils sont. Il a dû s'attendre à la haine, aux persécutions de toute espèce, non au déshonneur, à l'opprobre, à la diffamation. Il a dû s'attendre à vivre accablé de misère et d'infortune, mais non d'infamie et de mépris. Il est, je le répète, des genres de malheur auxquels il n'est pas même permis à un honnête homme d'être préparé. Et ce sont ceux-là, précisément, qu'on a choisis pour l'en accabler. Comme ils l'ont pris au dépourvu, du premier choc, il s'est laissé abattre et ne s'est pas relevé sans peine. Il lui a fallu du temps pour reprendre son courage et sa tranquillité. Voilà donc l'explication du complot. Cette explication depuis si longtemps attendue et promise. Ce que les philosophes, selon Jean-Jacques, bien sûr, n'ont pas pardonné à Jean-Jacques, ce n'est pas son innocence. Car rien ne serait plus facile, au fond, que de masquer, de travestir une innocence et de la rendre méconnaissable. Mais en revanche, une innocence qui s'affirme, et qui s'affirme en dénonçant tout ce que les hommes doivent détester chez les autres, c'est cela que l'on ne peut pas supporter. Ce qui a fait que Rousseau était persécuté, ce n'était point tellement ce qu'il était, ni ce qu'il disait, mais plutôt le rapport entre ce qu'il disait et ce qu'il était. C'était l'immédiate transparence de sa parole. Là, et là seulement, était l'acte profanateur, la transgression. Car l'essence du langage n'est pas, comme on dit, d'exprimer. Si le langage révèle ou montre, c'est dans la mesure même où il cache. Le langage ne désigne qu'en choisissant, il découvre et recouvre dans un même mouvement. L'essence du langage, en somme, elle est d'être une grille, au sens équivoque du mot. Par tout un jeu de cases noires et de caches, le langage fait surgir un sens, mais il ne laisse qu'une lumière discontinue, barrée et prisonnière. Que serait, après tout, un langage qui ne serait que transparence? Un langage sans cases sombres, ce serait un langage absolu, un langage impossible en droit et en fait. À la fois une chimère et un scandale, une pure transgression. Or, il est étrange que ce fantasme soit apparu exactement au seuil de la littérature moderne et que, sous deux formes antithétiques, il ait occupé pratiquement toute la fin du XVIIIe siècle. Avec Rousseau, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à l'innocence. Avec Sade, c'est le fantasme d'un langage entièrement transparent à ce qui, au contraire, ne peut pas, ne doit pas être nommé. On peut dire que la chimère d'un langage sans point aveugle, d'un langage sans grille, a constitué, depuis le XVIIIe siècle, le projet de toute littérature. Mais au XVIIIe siècle, ce projet ne pouvait former que des expériences limites. Sade n'a pu effacer les grilles du langage. Sade n'a pu constituer un langage sans ombre, un langage entièrement lumineux, que dans une expérience périlleuse où ce fut sa propre existence, son existence à lui, qui fut emprisonné. Rousseau, pour sa part, n'a pas pu prouver la transparence de son langage sans éprouver en même temps et par le fait même que son existence était de l'extérieur, enfermée dans et par le silence des autres, dans et par leurs discours hypocrites, dans et par des paroles qui ne disent rien sans le cacher aussitôt. Sade, à coup sûr, fut réellement persécuté. Rousseau, on peut en douter, peut-être le fut-il, peut-être ne le fut-il pas. Mais l'un sur le mode du malheur et du destin, l'autre sur le mode de la folie ou de la quasi-folie, ont éprouvé cette sombre appartenance dans laquelle nous nous débattons. C'est l'appartenance du langage et de la grille. C'est pourquoi Rousseau n'a pas pu sortir de sa folie, n'a pas pu parler à nouveau un langage heureux et transparent, qu'en le prononçant par-delà la mort, dans cette lumière uniforme et sans ombre, où il savait bien qu'un jour il prendrait place pour nous. Quoi qu'il en soit de la cause et des auteurs du complot, l'effet n'en est plus étonnant pour quiconque a lu les écrits de Jean-Jacques. Les dures vérités qu'il a dites, quoique générales, sont de ces traits dont la blessure ne se ferme jamais dans les cœurs qui s'en sentent atteints. De tous ceux qui se font avec tant d'ostentation ses patrons et ses protecteurs, il n'y en a pas un sur qui quelqu'un de ses traits n'est porté jusqu'au vif. De quelles trempes sont donc ces divines âmes dont les plus poignantes atteintes n'ont fait qu'exciter la bienveillance et l'amour, et par le plus frappant de tous les prodiges, d'un scélérat qu'elles devaient abhorrer, ont fait l'objet de leur plus tendre sollicitude. Si c'est là de la vertu, elle est bizarre, mais elle est magnanime, et ne peut appartenir qu'à des âmes fort au-dessus des petites passions vulgaires. Mais comment accorder des motifs si sublimes avec les indignes moyens employés par ceux qui s'en disent animés ? Vous le savez, quelque prévenu, quelque irrité que je fusse contre Jean-Jacques, quelque mauvaise opinion que j'eusse de son caractère et de ses mœurs, je n'ai jamais pu goûter le système de nos messieurs, ni me résoudre à pratiquer leurs maximes. J'ai toujours trouvé autant de bassesse que de fausseté dans cette maligne ostentation de bienfaisance qui n'avait pour but que d'en avilir l'objet. Il est vrai que, ne concevant aucun défaut à tant de preuves si claires, je ne doutais pas un moment que Jean-Jacques ne fût un détestable hypocrite et un monstre qui n'eût jamais dû naître. Et cela bien accordé, j'avoue qu'avec tant de facilité qu'il disait avoir à le confondre, j'admirais leur patience et leur douceur à se laisser provoquer par ses clameurs sans jamais s'en émouvoir et sans autre effet que de l'enlacer de plus en plus dans leur raie pour toute réponse. Pouvant le convaincre si aisément, je voyais une héroïque modération à n'en rien faire. Et même en blâmant la méthode qu'il voulait suivre, je ne pouvais qu'admirer leur flegme stoïque à s'y tenir. Vous ébranlâtes dans nos premiers entretiens la confiance que j'avais dans des preuves si fortes, quoique administrées avec tant de mystère. En y repensant depuis, je fus plus frappé de l'extrême soin qu'on prenait de les cacher à l'accusé que je ne l'avais été de leur force. Et je commençais à trouver sophistiques et faibles les motifs qu'on alléguait de cette conduite. Ces doutes étaient augmentés par mes réflexions sur cette affectation d'intérêt et de bienveillance pour un pareil scélérat. La vertu peut ne faire haïr que le vice, mais il est impossible qu'elle fasse aimer le vicieux. Et pour s'obstiner à le laisser en liberté malgré les crimes qu'on le voit continuer de commettre, il faut certainement avoir quelques motifs plus forts que la commisération naturelle et l'humanité, qui demanderait même une conduite contraire. Vous m'aviez dit cela, je le sentais. Et le zèle très singulier de nos messieurs pour l'impunité du coupable ainsi que pour sa diffamation me présentait des foules de contradictions et d'inconséquences qui commençaient à troubler ma première sécurité. J'étais dans ces dispositions quand, sur les exhortations que vous m'aviez faites, commençant à parcourir les livres de Jean-Jacques, je tombais successivement sur les passages que j'ai transcrits et dont je n'avais auparavant nulle idée, car, en me parlant de ces durs sarcasmes, nos messieurs m'avaient fait un secret de ceux qui les regardaient, et à la manière dont ils s'intéressaient à l'auteur, je n'aurais jamais pensé qu'ils eussent des griefs particuliers contre lui. Cette découverte et le mystère qu'ils m'avaient fait achevèrent de m'éclaircir sur leurs vrais motifs. Toute ma confiance en eux s'évanouit, et je ne doutais plus que ce que sur leur parole j'avais pris pour bienfaisance et générosité ne fût l'ouvrage d'une animosité cruelle, masquée avec art par un extérieur de bonté. Les sentiments innés que la nature a gravés dans tous les cœurs pour consoler l'homme dans ses misères et l'encourager à la vertu peuvent bien, à force d'art, d'intrigue et de sophisme, être étouffés dans les individus. Mais prompt à renaître dans les générations suivantes, ils ramèneront toujours l'homme à ses dispositions primitives, comme la semence d'un arbre greffé redonne toujours le sauvageon. Ce sentiment intérieur que nos philosophes admettent quand il leur est commode et rejettent quand il leur est importun, perce à travers les écarts de la raison et crie à tous les cœurs que la justice a une autre base que l'intérêt de cette vie et que l'ordre moral dont rien ici-bas ne nous donne l'idée, à son siège dans un système différent qu'on cherche en vain sur la terre, mais où tout doit être un jour ramené. La voix de la conscience ne peut pas plus être étouffée dans le cœur humain que celle de la raison dans l'entendement, et l'insensibilité morale est tout aussi peu naturelle que la folie. Ne croyez donc pas que tous les complices d'une trame exécrable puissent vivre et mourir toujours en repos dans leurs crimes. Quand ceux qui les dirigent n'attiseront plus la passion qui les anima, quand cette passion se sera suffisamment assouvie, quand ils en auront fait périr l'objet dans les ennuis, la nature insensiblement reprendra son empire. Ceux qui commirent l'iniquité en sentiront l'insupportable poids quand son souvenir ne sera plus accompagné d'aucune jouissance. Ceux qui en furent les témoins sans y tremper, mais sans la connaître, revenus de l'illusion qui les abuse, attesteront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils savent, et rendront hommage à la vérité. Tout a été mis en œuvre pour prévenir et empêcher ce retour. Mais on a beau faire, l'ordre naturel se rétablit tôt ou tard, et le premier qui soupçonnera que Jean-Jacques pourrait bien n'avoir pas été coupable sera bien près de s'en convaincre et d'en convaincre, s'il veut, ses contemporains qui, le complot et ses auteurs n'existant plus, n'auront d'autre intérêt que celui d'être juste et de connaître la vérité. C'est alors que tous ces monuments seront précieux et que tel fait, qui peut n'être aujourd'hui qu'un indice incertain, conduira peut-être jusqu'à l'évidence. Voilà, monsieur, à quoi tout ami de la justice et de la vérité peut sans se compromettre et doit consacrer tous les soins qui sont en son pouvoir. Transmettre à la postérité des éclaircissements sur ce point, c'est préparer et remplir peut-être l'œuvre de la Providence. Le ciel bénira, n'en doutez pas, une si juste entreprise. Il en résultera pour le public deux grandes leçons dont il avait grand besoin, l'une d'avoir, et surtout aux dépens d'autrui, une confiance moins téméraire dans l'orgueil du savoir humain, l'autre d'apprendre par un exemple aussi mémorable à respecter en tout et toujours le droit naturel et à sentir que toute vertu qui se fonde sur une violation de ce droit est une vertu fausse qui couvre infailliblement quelque iniquité. Je me dévoue donc à cette œuvre de justice en tout ce qui dépend de moi et je vous exhorte à y concourir puisque vous le pouvez faire sans risque et que vous avez vu de plus près des multitudes de faits qui peuvent éclairer ceux qui voudront un jour examiner cette affaire. Nous pouvons à loisir et sans bruit faire nos recherches, les recueillir, y joindre nos réflexions, et reprenant autant qu'il se peut la trace de toutes ces manœuvres, dont nous découvrons déjà les vestiges, fournir à ceux qui viendront après nous un fil qui les guide dans ce labyrinthe. Si nous pouvions conférer avec Jean-Jacques sur tout cela, je ne doute point que nous tirassions de lui beaucoup de lumières qui resteront à jamais éteintes, et que nous fussions surpris nous-mêmes de la facilité avec laquelle quelques mots de sa part expliqueraient des énigmes qui, sans cela, demeureront peut-être impénétrables par l'adresse de ses ennemis. Souvent, dans mes entretiens avec lui, j'en ai reçu de son propre mouvement des éclaircissements inattendus sur des objets que j'avais vus bien différents, faute d'une circonstance que je n'avais pu deviner et qui leur donnait un tout autre aspect. Mais gêné par mes engagements et forcé de supprimer mes objections, je me suis souvent refusé, malgré moi, aux solutions qu'il semblait m'offrir pour ne pas paraître instruit de ce que j'étais contraint de lui taire. Si nous nous unissons pour former avec lui une société sincère et sans fraude, une fois sûrs de notre droiture et d'être estimé de nous, il nous ouvrira son cœur sans peine, et recevant dans les nôtres les épanchements auxquels il est naturellement si disposé, nous en pourrons tirer de quoi former de précieux mémoires, dont d'autres générations sentiront la valeur, et qui du moins les mettront à portée de discuter contradictoirement des questions aujourd'hui décidées sur le seul rapport de ses ennemis. Le moment viendra, mon cœur me l'assure, où sa défense, aussi périlleuse aujourd'hui qu'inutile, honorera ceux qui s'en voudront charger et les couvrira sans aucun risque d'une gloire aussi belle, aussi pure que la vertu généreuse en puisse obtenir ici-bas. Cette proposition est tout à fait de mon goût. Et j'y consens avec d'autant plus de plaisir que c'est peut-être le seul moyen qui soit en mon pouvoir de réparer mes torts envers un innocent persécuté sans risque de m'en faire à moi-même. Ce n'est pas que la société que vous me proposez soit tout à fait sans péril. L'extrême attention qu'on a sur tous ceux qui lui parlent, même une seule fois, ne s'oubliera pas pour nous. Nos messieurs ont trop vu ma répugnance à suivre leurs errements et à circonvenir comme eux un homme dont ils m'avaient fait de si affreux portraits pour qu'ils ne soupçonnent pas tout au moins qu'ayant changé de langage à son égard, j'ai vraisemblablement aussi changé d'opinion. Depuis longtemps déjà, malgré vos précautions et les siennes, vous êtes inscrit comme suspect sur leur registre. Et je vous préviens que, de manière ou d'autre, vous ne tarderez pas à sentir qu'ils se sont occupés de vous. Ils sont trop attentifs à tout ce qui approche de Jean-Jacques pour que personne leur puisse échapper. Moi, surtout, qu'ils ont admis dans leur demi-confidence, je suis sûr de ne pouvoir approcher de celui qui en fut l'objet sans les inquiéter beaucoup. Mais je tâcherai de me conduire sans fausseté, de manière à leur donner le moins d'ombrage qu'il sera possible. S'ils ont quelque sujet de me craindre, ils en ont aussi de me ménager, et je me flatte qu'ils me connaissent trop d'honneur pour craindre des trahisons d'un homme qui n'a jamais voulu tremper dans les leurs. Je ne refuse donc pas de le voir quelquefois, avec prudence et précaution. Il ne tiendra qu'à lui de connaître que je partage vos sentiments à son égard, et si je ne puis lui révéler les mystères de ses ennemis, il verra du moins que, forcé de me taire, je ne cherche pas à le tromper. Je concourrai de bon cœur avec vous pour dérober à leur vigilance et transmettre à de meilleurs temps les faits qu'on travaille à faire disparaître et qui fourniront un jour de puissants indices pour parvenir à la connaissance de la vérité. Je sais que ces papiers déposés en divers temps avec plus de confiance que de choix en des mains qu'il crut fidèles sont tous passés dans celles de ses persécuteurs, qui n'ont pas manqué d'anéantir ceux qui pouvaient ne leur pas convenir et d'accommoder à leur gré les autres, ce qu'ils ont pu faire à discrétion, ne craignant ni examen ni vérification de la part de qui que ce fût, ni surtout de gens intéressés à découvrir et manifester leur fraude. Si depuis lors, il lui reste quelques papiers encore, on les guette pour s'en emparer au plus tard à sa mort, et par les mesures prises, il est bien difficile qu'il en échappe aucun aux mains commises pour tout saisir. Le seul moyen qu'il ait de les conserver est de les déposer secrètement, s'il est possible, en des mains vraiment fidèles et sûres. Je m'offre à partager avec vous les risques de ce dépôt. Et je m'engage à n'épargner aucun soin pour qu'il paraisse un jour aux yeux du public tel que je l'aurai reçu, augmenté de toutes les observations que j'aurais pu recueillir tendantes à dévoiler la vérité. Voilà tout ce que la prudence me permet de faire pour l'acquis de ma conscience, pour l'intérêt de la justice et pour le service de la vérité. Et c'est aussi tout ce qu'il désire lui-même. L'espoir que sa mémoire soit rétablie un jour dans l'honneur qu'elle mérite et que ses livres deviennent utiles par l'estime due à leur auteur est désormais le seul qui peut le flatter en ce monde. Ajoutons-y de plus la douceur de voir encore deux cœurs honnêtes et vrais s'ouvrir au sien. Tempérons ainsi l'horreur de cette solitude où l'on le force de vivre au milieu du genre humain. Enfin, sans faire en sa faveur d'inutiles efforts qui pourraient causer de grands désordres et dont le succès même ne le toucherait plus, ménageons-lui cette consolation pour sa dernière heure que des mains amies lui ferment les yeux. Thank you.